like an endless dream. You take me in to a place that I never been. Now I'm giving in to your touch. I will never get enough. Diving deep into the ocean. Revenir dans quelques jours, alors il sera notre invité. King V va arriver. Et ce soir, vous allez kiffer cette chanteuse. Nous, on est fans, elle s'appelle LP et elle viendra directement des États-Unis tout à l'heure pour vous en cadeau. Ouais. C'est bon, non? Ouais. Dans quelques jours, pour faire plaisir à Pietre, Evangeline. J'adore. Toujours pas quoi elle ressemble d'ailleurs. Nous non plus, mais. Mais bon, si elle a les cheveux roses. Amir va être de retour, il y aura le nouveau titre d'Amir qui est vachement bien. Ouais, c'est on dirait. C'est celui-là? Non, ça c'est j'ai cherché. Non, faudrait me mettre le nouveau parce que le nouveau il est vachement bien. Non, il ressemble pas du tout à ça. Non, il est super nouveau. Ouais, ah non, mais topissime. Alvaro Soler. Il vient dans quelques jours. Faut qu'on apprenne les paroles. Hein. Voilà, j'adore cette chanson. Je crois que Loris connaît. Dire Sofia. Alonso sera là. Bon, ça y est, je commence à l'aimer la chanson, ça y est. J'étais en phase au début, je trouve ça chelou, et en fait, je la trouve super. Vraiment, hein. Ça rentre dans la tête. Ah, mais je le dis quand je change d'avis. Ah, moi aussi, j'aime bien. Et au début, je fais, oh, c'est chelou, et j'adore. Ouais. Ah, j'aime bien. Ken Jones, bon, ça, je vous l'ai dit, j'étais fan ou pas? Ah, oui. Ah, c'est le tube de l'été, hein, beaucoup. Hein. J'adore cette chanson. Il s'en a invité dans quelques jours. Bonjour, madame. Bon, tout ça, c'est ce qui arrive dans les jours qui viennent, et j'ai une mauvaise nouvelle. C'est fini pour Shawn Mendes. Calme-toi. Il n'est pas là, il va pas arriver. Je reprends. Je disais, c'est fini pour les inscriptions, mais vous allez, on va voir le tirage au sort pour savoir qui va le rencontrer. Ouais. À Amsterdam. Et partir avec Loris. Partir avec Loris, je sais pas ce qu'est le vieux. Hein. Ah, moi, j'ai vu, moi, j'ai vu passer des messages de filles qui disaient, j'aime bien Shawn Mendes, mais je suis encore plus contente de partir avec Loris. J'ai vu ça aussi. Et là, Loris a répondu, moi, je préférais partir avec ton frère. Bon, c'est pas. Je sais pas ce que ça veut dire, mais tu racontes ce que tu veux aux gens. Ouais, après, bon, ce matin, on a bien kiffé. On raconte un peu tout ce qu'on a fait de la journée. Oui. On a fait une. Vous avez vu passer des photos. On était en mode costard. Et je le suis toujours d'ailleurs. On a fait conférence de presse de rentrée énergie. Du groupe énergie. La rentrée média. Ah, ça rigole pas. Tous les patrons qui sont là. Putain, c'est bien, c'est bien. Ouais, j'ai fait des contrats, c'était bien. C'était exceptionnel. Moi, j'ai fait un petit one man sur scène. J'étais en pleine forme, voilà. Et j'étais chaud, j'étais tous là. On a fait des belles photos, on a kiffé. Ouais, c'était très bien. Faut dire ce qui est, on a kiffé. Hein. Oui. Ça, puis ça permet de voir des gens qu'on voit pas tout le temps. Ça permet de voir des gens des autres personnes qu'on voit pas souvent. Non, mais j'aurais poussé un coup de gueule quand même, moi, par le manag et tout. Bon. Non, je déconne. Mais par rapport à ça, il y avait quand même un truc scandaleux par rapport à ce groupe. Il y avait deux barman. C'est vrai. Une salle immense. Une salle immense, deux barman. Mais Pietre, le troisième il coûte une fortune. Ouais, c'est ça. Et les sandwichs, on en parle. Ouais. Oh là là. Putain. Mais vous croyez vraiment. Attendez, mais les enfants, excusez-moi. Non, mais vous êtes sérieux? C'était une invitation énergie, il y avait marqué un cocktail déjeunatoire. Déjà, je sais même pas si c'est français. Déjeunatoire. Bah, c'est. Ouais, mais le midi. Midi, je sais même pas si c'est français. Hein. Matinatoire, je sais pas si ça se dit non plus, mais bon. Vous croyez vraiment qu'il allait y avoir des. Comme dans les trucs romains, avec des. Comme les Gaulois, avec des porcs, avec des trucs dans la bouche. Moi, j'aurais été Jean-Paul, j'aurais amené des cochons avec les pommes dans la bouche, je dis non, prenez que la pomme, alors amène le cochon. Mais ce serait comme ça que mais ça serait passé. Mais ils utilisent que des mots qu'on connaît pas finalement. Ouais, je te confirme. J'ai appris un mot ce matin. Alors j'ai appris un mot ce matin. Bah, apparemment, tu n'étais pas le seul à l'apprendre. Même les mecs qui l'ont écrit, ils l'ont appris là après. J'ai l'impression qu'ils l'ont vraiment appris sur scène. Ce matin, j'étais le petit con de service parce qu'il y avait un très truc. Imaginez tous là, vous êtes tous là dans le public, vous qui nous écoutez. Imaginez un truc, tout le monde en costard, des effets spéciaux, des écrans. Il y avait marqué énergie numéro 1 sur les je sais plus quoi. Tout le monde quoi et les millennials. Les millennials. On peut demander au public savoir. Et là tout le monde disait waouh, ouais, super énergie le numéro 1 sur les millennials. Et donc moi je suis monté sur scène et au bout de 20 minutes j'ai dit excusez-moi de casser cette fête, c'est quoi les millennials? Et je me suis rendu compte que personne ne savait ce que c'était que la millennials. Ouais, c'est les fans de Mylène Farmer. Ça va, il suffit qu'on le dise pour qu'il y en ait toujours 2-3 qui fassent c'est dans le public qui sait. Ouais. Ok, très bien, bravo, quel public. Pourtant, vous êtes tous concernés à peu près. Alors, c'est quoi Mathilde, tu le sais, Mathilde, je suppose, là. Je suppose. C'est non, j'étais pas là, du coup, je c'est, suppose. C'est. Les gens qui sont nés dans les années 2000. C'est ça. Crâne pas, je vous. Mais comment, alors, comment t'as su ça? Parce que comment on apprend ça en fait? Millennials, millénaires, je sais pas, j'ai fait l'association. Oui, mais. Dans la série, un jour. Aria. Nous fêtons le retour de Mathilde. Et c'est pour ça qu'on l'a repris pour sa culture générale. Et qui est la meilleure jusqu'à aujourd'hui. Ouais, on a dit qui c'est les millennials, ça fait moi. C'est tout, tu viens avec nous. Qui est la meilleure? C'est vrai, c'est vrai. Les autres pour le moment, sont tous enterrés dans le jardin d'énergie là derrière. Donc il y a les sépultures toutes fraîches. Le standard, comment ça va les deux? Ça roule. Stouf, Mika, vous êtes ils en forme? Ils chauffent toujours. Ça va, impeccable. Norris, impeccable. Vidéo du dab là, on en est où? Ah, elle sort là demain. Oh, vous êtes chelou. Des grosses surprises. Être chelou, il a fait des dabs partout, mais le problème c'est qu'à chaque fois je lui dis allez prête la vidéo, il me dit bah parce que j'ai rajouté des dabs. Du coup, le gars ne s'arrête pas de faire des dabs. Oui, mais elle va pas il faire en fait 23 partout. Minutes cette ouais, vidéo. J'avoue, pour le coup. On a gagné 10 millions de vues, ou je crois en plus de 10 millions de vues en une semaine sur toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Ouais. Continuez. Demain, c'est qui vient, Julie? Interrogation. Zao. Nous aurons le top 10 des endroits pour faire l'amour. C'est un sondage officiel qui est sorti. Intéressant. Je vous le dirai, il y a le truc qui va avec. Nous parlerons des plus belles fesses du monde. C'est une jeune fille qui dit qu'elle est russe. Je vous les montrerai. Vous direz si vous pensez que c'est les plus belles fesses du monde. On aura le jeu du public. Oui, le public, vous allez jouer tout à l'heure. On aura le super jeu. Les cours du soir. Oui, parce que des fois, on sait que vous galérez un petit peu sur certaines règles grammaticales ou de mathématiques. Tout à l'heure, cours du soir. C'est-à-dire un auditeur qui nous dira sa galère et nous on essaiera de l'aider et de répondre à sa question. C'est ça. Si on le sait, parce que vous savez pas ce que c'était que des millennials. Alors bon, il y aura quoi encore? Il y aura le check ton bahut. Mercredi, jour du check ton bahut. Ouais. Pour savoir si votre bahut mérite d'avoir le label qualité C. C'est important. Il y aura après 21 Pilots, il y aura Cynthia. Ça va Cynthia? Pas nickel. C'est la loose, hein? Totalement. Ah, c'est la loose, on en parle dans un instant, vous verrez, c'est la loose. Eux, si c'est le double hit, vous allez à leur concert ou vous avez l'iPhone 7. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. All my enemies who wouldn't wish who I was. Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. Too many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I do. live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. C'était Koé. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. Je vais mettre la coupette en macarie. On est là. Toute l'équipe est là sur Énergie, le public aussi. Très jolie fille du public. Il y a de tout dans le public ce soir. Bravo les filles, c'est très bien. Non, mais de toutes les couleurs, que ce soit de couleur de peau, de fringues, de t-shirt, il y a de tout. Excusez-moi, il y a un décolleté, j'arrête pas de bloquer dessus depuis tout à l'heure. On fait quelque chose. Viens ici, toi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Viens ici tout de suite. Viens t'appeler Pékin. Viens à côté de Coco. Viens là tout de suite. Je suis obligé de bloquer. Hein. En même temps, c'est des vrais ou c'est pas des vrais? Je vais faire ça parce que Pietre il arrête pas de mater. Ah, excusez-moi. Hein. Parce que t'as quel âge d'abord? Quel est ton prénom? Hein? Marion. Marion, quel âge as-tu? 20 ans. 20 ans. Ah, ça va, tu peux le payer, Pierre. Mais si, ça ne te dérange pas de sortir de chez toi comme ça? Bah non. Tu es venu avec qui? Tu es venu avec qui? C'est ton mec? Oui. Tu peux enlever cette petite érection, s'il te plaît, que tu as, et ce sourire permanent très agaçant que tu as parce que ta nana est sortie avec un décolleté. C'est normal, pareil. Attends, il est fier. Des seins fantastiques. Merci. Non, mais c'est vrai. Ce sont des vrais ou pas? Mais bien sûr, je dis que c'est des vrais, c'est ça vrai se voit. Enfin, ils tombent. Beaucoup, ça se voit. Ouais, ils sont sur les genoux. Mais non, c'est une blague. Non, ils sont très jolis. Et oui, mais ils sont tellement beaux. Là, laisse que... pas sortir. Hey, oh, laisse pas sortir après 20h acheter du pain, toi. Hein. Il est avec elle, hein, t'as vu. Il est avec elle, il est avec elle. Tout le monde. Ça dérange pas que tout le monde mate les seins de ta copine parce qu'on les voit beaucoup. Un petit peu. Menteur! Il est fier. Il est content, ils sont très jolis, mademoiselle. Genre, Julie, elle aurait les mêmes, elle ferait la même chose. J'avoue, pas. Ouais, c'est vrai. Elle peut pas, elle ferme le dernier bouton à chaque fois, jusqu'en haut. Jusqu'en haut. On fait un bisou à Cynthia, alors arrêtons de parler de sexe et de petits copains parce que là, on est dans la loose. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, ma chérie? Salut, équipe. Ça va et toi? Cynthia, j'ai 18 ans, elle nous envoyait un mail à coetenergie.com. Faites pareil si vous voulez nous parler, j'ai bientôt 19. Et oui, c'est vrai que quand on en a 18, généralement, on en a bientôt 19. je n'ai jamais eu de relation amoureuse puisque je me sens inférieur aux autres. Et donc, je ne me sens pas à l'aise avec aucun gars, ni aucune fille, puisque je suis également amoureuse de ma meilleure amie, qui, elle, s'en fout voilà, de moi. Oui, j'ai l'impression que tu bouffes à tous les râteliers, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que t'aimes bien les mecs, s'il y avait une fille qui disait oui. Il y a un extincteur qui aimait bien aussi, mais pareil, il s'en fout. Bien, en fait, je sais qu'elle est hétéro, et en plus de ça, elle est amoureuse, elle aussi, mais pas de moi. Voilà. Donc, en quelque sorte, un amour impossible, et j'en souffre. Bien. Alors, on va reprendre par ordre. Ouais, parce que là. T'as plus envie de fille ou de garçon? Ben garçon, parce que fille, c'est que avec elle que ça m'arrive en fait. Donc ça fait pas longtemps que j'en suis rendu compte. Mais elle a peut-être raison, Julie, c'est peut-être pas de l'amour sexuel. Je sais pas trop en fait. Moi-même, je suis un peu perdue. Bon, t'as 18 ans, t'es pas une jeune, donc on peut se poser cette question. Mais est-ce que tu t'imagines de lui faire des cochonneries la nuit? Est-ce que tu t'imagines nuit contre elle? Non, pas tellement. Bon, bah, alors, c'est de l'amitié. Alors, Julie a la raison. Ouais, mais théorie, c'est quand même fort. Je l'espionne tout le temps et tout. Enfin, non, mais c'est parce que ça, t'es accroché à elle. C'est une amitié exclusive. Mais... Exactement. Dire. Tu veux pas la partager. T'es jaloux si elle parle avec d'autres filles. La partager. Tu veux pas la partager. Je dis plus les haies. Non, c'est ça. Partager. Et tu veux plus la partager. Ouh. Et du coup t'es jalouse de toutes les filles qui peuvent lui parler avec elle et tout ça, non? Parce qu'en théorie quand on est... Mais ça c'est de l'amitié. Oui, parce que en théorie quand on est un peu amoureux, on fantasme sur la personne, donc on s'imagine faire des trucs avec. L'amitié c'est une forme d'amour, hein. Je suis désolée, hein. Oh là, non. Bon, enfin moi je suis copain avec Pietre et j'ai toujours refusé ses avances. Bah moi je suis très avec mes amis, franchement c'est une forme d'amour. Je supporte pas non plus. Non. Tu supportes pas quoi? Je supporte pas s'ils sont plus proches de certains autres. Mais ça potes, c'est les etc., filles, ça. Vous êtes un peu comme ça. C'est vous êtes le délire très tôt. Mais parce ça que vous moi prend je ça donne au collège, tout en c'est ma meilleure amie. Mais oui, mais quand t'es en amitié, tu donnes tout et si on te rend pas la même chose, c'est un peu compliqué. Ouais, et du coup, si tes potes ils donnent plus de choses aux autres potes, ça fait chier. On est moins comme ça, nous les mecs. Ah ouais, ce qui est bizarre, c'est que je me sens inférieure avec elle, comme je me sens inférieure avec les garçons avec qui je pourrais sortir. Ça ne s'est pas entendu. C'est vrai. Pourtant, il a éteint son micro. J'ai jamais éteint mon micro. Alors, je ne sais pas pourquoi tu l'as éteint, parce qu'on n'a rien entendu. Vraiment, non mais on va en parler, on va percer le truc tout de suite. Pourquoi tu te sens sentiment d'infériorité? T'es pas belle. Ça veut dire quoi, infériorité? C'est vrai que j'ai toujours été un peu persécutée, on va dire, au collège, des trucs comme ça, genre t'es gros, t'es moche, enfin des trucs comme ça. Et c'est vrai. Et du coup, je peux pas. C'est vrai. Je peux pas me mettre en couple. On n'a pas de photo. Non mais excuse-moi. Non, là, il paraît que l'ordinateur a refusé. C'est assez rare que la messagerie refuse d'envoyer les photos, mais ils ont dit non, là, on peut pas. Non, mais c'est vrai, t'es moche et grosse? Maintenant, je le pense moi, parce que forcément, je l'ai pas entendu pour me dire le contraire. Enlève le tu penses toi. Quand tu te regardes dans la glace, tu vois quoi? Tu vois une fille grosse et moche? Ah ouais, je me vois grosse et moche, ouais. En même temps, c'est compliqué. Chacun, quand on se voit devant la glace, on se dit pas, je suis une super bombe, je vais tout défoncer. Moi aussi, personne qui se le dise, hein. Bah, non. Parce que il y a deux solutions, c'est où je vais être un peu, je vais dire les mots crus parce qu'ils sont comme ça. Où t'es réellement, grosse et moche. Bah oui, bon bah ça arrive. Et t'essaies d'arranger, c'est-à-dire t'essaies de perdre un peu de poids et t'essaies de t'arranger. Ah bah c'est ce que je fais. Voilà. Et t'essaies de t'arranger un peu physiquement. Ou c'est pas le cas, c'est-à-dire que t'es juste une fille entre guillemets normale et toi tu te grooves grosse et moche et là c'est un travail de confiance. Oui. Et si tu perds un peu de poids, je peux vous envoyer une photo. Ouais, mais non. Non mais même si le monde n'est pas fait que de top modèles, tu vois ce que je veux dire, si tous les filles, toutes les filles un peu grosses et un peu moches, enfin devaient se sentir inférieures et dépressives, regarde Julie, imagine ça, on ferait du monde en dépression quoi. C'est pas dépressive moi. Ah non, justement, c'est pour ça que je dis ça, c'est bien. Mais du positif. Non mais tu sais quoi ma belle, je pense que si tu pèses combien? 80 je crois. Pour un mètre combien? 1m75. Ah bah t'es grande. Ah ça va. Oui, je suis grande. Eh bah t'as quoi? Allez, t'as 10 kilos à perdre. Mais t'en perds 10, tu feras 70 kilos, voilà, ça va pour 1m75, excuse-moi. 10 de moins, c'est l'idéal pour les filles, je crois. Sinon, c'est oui, mais à 70, ça sera bien quand même. Oui. Perds un peu, fais un peu de sport, tu te sentiras mieux. Dès que tu perdras tes 2-3 premiers kilos, tu vas voir que tu vas prendre confiance en toi et c'est une question c'est uniquement une question de confiance en toi. Ouais, parce que tu verras qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont, je vais redire le mot, qui sont moches et gros, mais s'ils ont perdu un petit peu et qu'ils prennent confiance en eux, il y a des gens à qui ils vont plaire. Ouais. Et déjà, super un petit peu. Dur, ça, faut que tu te dises, quand tu te regardes, quand tu te regardes dans la glace, tu dis, je suis une bombe, je suis une Kardashian. Voilà. J'ai le cul de Kardashian pour l'instant. mais attention à ceux qui ont trop confiance en eux aussi. Il y a une marge là. Avant qu'elle ait trop confiance en elle, il va se passer du temps. Oui, je pense aussi. Mais si déjà tu te sens un peu mieux, tu verras, tu perds 1 ou 2 kilos, tu diras, je me sens mieux. Et tous les gens te diront, t'es un peu maigri. Et ça ira mieux. Tu verras, petit à petit. Non, mais je l'avais déjà fait, ça. J'avais perdu 5 kilos il y a pas longtemps, mais en fait, je les ai repris. Pourquoi? Parce que je sais pas, j'aime trop la bouffe. Le Nutella était ton ami cet été. Faut pas rouler des pelles au pot de Nutella, tu sais. C'est pas bien. C'est bon. Ouais, mais ça n'a jamais été bien. Il faut que faut que tu fasses attention et voilà, c'est tout. Et tu verras que ça ira mieux. On en reparlera, ok? Envoie-nous une photo. Oui. Y a pas de problème. Envoie-nous une photo sur notre boîte mail, koyatenergie.com. Dès qu'ils l'ont, ils me la montrent et je serai honnête. On sera honnête. D'accord. Soyez honnête. Si jamais t'es mieux que ce que tu te décris, on dira écoute, ça va. Et si jamais, c'est pas top, on fera un truc genre discret, genre oh putain, mon Dieu. Tu le connais dans la discrétion. Tu nous connais, on est comme ça. Je te fais un gros bisou, je t'embrasse fort. Ouais, bisous. Et heureusement, Piet l'a dit, vous qui nous écoutez, les plus jeunes, heureusement qu'il n'y a pas que des top modèles dans la vie. Arrêtez, tout le monde. Ouais, mais ça, c'est la déformation Instagram. Parce que je vous connais, les plus jeunes, vous suivez toutes des gamines qui sont aux États-Unis, les stars de Musical.ly & Co, qui sont toutes des gamines genre super belles, super machin, vous matez ça à longueur de journée et quand ensuite vous coupez votre téléphone et que vous regardez dans la glace, vous dites je suis moche, mes lèvres sont pas assez, mon cul est trop gros. C'est aussi de votre faute parce que vous regardez que des nanas comme ça aussi. Pas donc du tout. Nous, les nanas, je suis le premier. permis à dire que la top modèle c'est une connasse. Alors là, excusez-moi. Oui, mais tu vas la regarder quand même. Tu vas la regarder quand même. Et t'as des top modèles qui peuvent être canon et sympa. Il y a deux jours, j'étais à un bar à côté de deux meufs qui étaient belles, 1m75, jolies meufs. Mais palme d'or de la connasse. C'est-à-dire, ça dit bonjour à personne. Sur leur gueule, il y a écrit, elles n'ont pas besoin de parler, il y a écrit, ça va, tu sais que je suis belle, quoi. C'est bon, on me l'a dit toute la journée. Ouais, ça, c'est trop confiance en elle. Elle prend son, la façon de porter son sac à main, c'est une façon de connasse. J'ai failli lui dire, tu bois ton thé comme une connasse. Voilà, c'est tout. Parce que c'est des nanas qui ont trop confiance en elles, on leur a dit tout le temps. Et ça, c'est insupportable. Et ben non, moi, je préfère des filles qui sont plus normales, qui sont plus proches de la réalité, qui sont rigolotes, avec qui ont un second degré, avec qui tu peux te marrer. Parce que là, gonzesse, type, modèle élite, bah, c'est insupportable. C'est quoi cette photo? C'est la photo de la demoiselle? Oh bah arrête, il faut que t'arrêtes tout de suite, Cynthia. Arrête, regardez la photo. Bah, elle est trop mignonne. Ah non, arrête, le public. Ah bah là, oui. Hein? Il voit pas d'ici. Eh bah elle est mignonne, voilà, c'est tout. Ah non, t'es trop mignonne, tu rigoles, t'as pas à complexer. Arrête, tu nous enlèves les deux trois kilos. Prends confiance en toi, vraiment. D'accord? On peut lancer le hashtag t'es une connasse quand, non? Ouais, si. Ah, hashtag ouais, t'es une connasse quand, et vous mettez la suite. T'es une connasse quand tu regardes personne au bar. Voilà. Tu vois, si on fait ça, t'es une connasse quand tu dis pas bonjour. Ouais. Si, voilà. Il y en a plein. On va faire ça. On le lance et vous mettez ce que vous voulez derrière. Hashtag t'es une connasse quand. J'ai foi en l'avenir depuis que je t'ai trouvé. J'ai tant de choses à dire, tant à te prouver. Je ne trahirai jamais ta confiance. Si seulement tu m'accordais au moins une chance. J'aimerais faire ce rêve une réalité. J'ai peut-être mes défauts, mais j'ai mes qualités. J'aimerais t'en savoir ce que tu penses. Même si à mes yeux c'est une évidence. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas. Laisse-la prendre la première place. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place, baby. T'es là mon sourire. Je ferai en sorte que tes peines soient qu'un souvenir. Après le bonheur tu n'auras plus à courir. Car auprès de toi je le ferai venir. Si toi et moi fonds-nous, on fera des jaloux. Et je suis prêt à prendre le risque. Tant notre amour est plus fort que tout, yeah. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas. Laisse-la prendre la première place. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place, baby. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras donner la part. Je ferai de ta vie un rêve. Bienvenue dans la première émission de France, de Belgique et de Suisse sur Énergie. Tout à l'heure, les lycéens et les étudiants, je vais essayer de vous trouver un kiff. Ah. Je vous en dis pas plus. Je vais essayer de vous trouver un kiff, vous qui m'écoutez chez vous en train de bosser. Je vais vous faire un truc qui va vous faire plaisir. On a lancé le hashtag t'es une connasse quand, hein. Oui. Donc vous mettez ce que vous voulez derrière. Et égalité des sexes, les filles, commencez à vous préparer. Demain on fera hashtag t'es un connard quand. Oui, évidemment. Oui. C'est normal. Ça va dans les deux sens. Parce qu'il y en a plein qui nous écoutent, qui disent ouais bah il y a des mecs aussi, c'est des bons connards. Bah oui, bah demain on fera chacun son tour. Voilà. J'adore. À tout de suite, on est de retour avec une surprise. Envoyez vos SMS à Koé au 6112. Thank you. Code Koé au début du message. Énergie du matin au soir. Énergie, j'écoute que ça. 6h-10h. Débutez la journée avec le réveil du roi sur Énergie. Oli, qu'est-ce qui me lève de bonne humeur le matin? 19h-22h. Koé. C'est Koé. Du bruit pour ça, Prado. Et toute la journée, l'actu de vos stars en temps réel. Et plus de 40 minutes de hit à la suite, toutes les heures. Pop, R&B, dance. Ici, c'est Énergie. Apprenez-en plus sur l'équipe qui, tous les matins, est avec vous dans le réveil du roi sur Énergie. Bérénice.

time to breathe. Everybody's always in a hurry. Saison 7, le Coé range ta chambre va cartonner aussi celui-là. Hein. J'adore oui. le visuel qu'on a fait. En monsieur propre. Ouais. Ah, tu l'avais pas vu? Non, là, pas vu. Il est toujours à la fin, je plains. Encore, te plains pas, il l'a vu avant. D'habitude, il dirait dis donc, j'ai vu un truc il y a 6 mois. Donc, le hashtag Coé range ta chambre, je vous rappelle le principe, vous vous inscrivez sur energie.fr, il y a un formulaire et c'est les parents qui peuvent remplir ou vous. Et on débarquera en surprise pour venir ranger votre chambre qui est en bordel. Ça cartonne. Et toute l'équipe, hein, moi, Julie, Piette, Gaguette, on vient chez vous, on range votre chambre. On y mettra quelques cadeaux, quelques petites surprises et tout. Et préparer des quelques pièges. Et tapette la souris. Ouais. Non. Et puis il veut pas du. Ah non, ils peuvent rien préparer. Ils savent pas si on vient. Bah, des boissons, des gâteaux. Ils savent pas si on vient. Ah, allez faire vrai, le plein chez Leclerc quand même au cas où. Ouais, quand même. T'imagines. Attention, préparez-vous parce qu'on va faire. On va arriver en surprise. Hein, donc préparez-nous des trucs pour la surprise. Tout à l'heure, LP. Je disais, il y a quelques jours, on a eu une étudiante lundi qui nous disait que c'était galère pour les étudiants parce qu'il fallait raquer beaucoup et tout. Ouais. Il y en a plein qui nous écoutent qui sont étudiants, même collégiens, même lycéens, et qui ont parfois plein de besoins, qui ont parfois envie de plein de choses. Donc on est allé faire un petit micro-trottoir pour essayer de savoir de quoi vous auriez besoin. Bah écoutez, c'est Loris qui est allé faire un tour dans la rue, on a fait un petit mélange de plein de choses. Hein. Qu'est-ce que tu kifferais qu'on t'offre pour cette rentrée? J'aimerais ne pas avoir cours. Une boîte de Scrabble. L'alcool, beaucoup d'alcool. Un forfait internet, l'iPhone 7. Je kifferais trop un MacBook Pro. Bah qu'on paye le permis de conduire. Hey, une petite copine. J'aime bien la voix du dernier. Il y a une petite copine, qui est passé un peu comme ça. Il y a eu du permis de conduire. Ok, d'accord. Alors je prends des notes. Restez avec nous à 22h, je vous annonce un truc. D'accord. Qui va vous faire kiffer. Et si vous voulez, j'ai envie, je n'en dis pas plus. Si vous avez envie d'un peu de tout ça. Ma petite copine. Le mec est chez lui, il fait on va pas ma petite copine. C'est génial. Elle va pouvoir retourner à la muscu. C'est génial. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait parler Guillaume, notre stagiaire. Hey, comment ça va, Guillaume? Ça va, ça pousse, la prot. La prot. T'as dit comment les peaux de prot là? T'es comment? T'es dedans ou pas? Ouais, je suis en pleine forme. Et là, la barbe rousse, elle est comment? Elle pousse ou pas? D'ailleurs, faut que j'aille à la salle bientôt. Bah, bien sûr. Et la salle, ouais. Vous voulez pas qu'on s'occupe de ses cheveux aussi parce qu'il a une tignasse? C'est plus possible. Les muscles. Bien sûr, il a mis toujours la salle de sport. Et d'alter, ça pousse. Ça coûte cher. Avec nous sur Énergie, il y aura Camille dans deux minutes qui va, on va lui filer un coup de main pour les cours du soir. Ça va, Camille? Ça va. Allez, juste assez à toi après Kungs, ma chérie. C'est un garçon? Une fille? Non, je vais demander. Camille, c'est une fille, hein? Bah oui. Bah oui, évidemment. Enfin, évidemment, c'est Piette qui a eu un doute. Parce que, bah si, t'as dit Camille, ça peut être les deux, un garçon, une fille. Bah, c'est une fille. D'accord. Je l'ai reconnu tout de suite, moi. Allez, Kungs, montez le son, il est cool ce morceau. No, I'm wrong. I'm gonna rock your back. Take a glance. On est mal. On est mal. On est très mal. Koé, 19h-22h sur Énergie. Toute l'équipe est là. Demain, ce sera Zaou qui sera notre invité sur Énergie. L'excellent combat. Je voudrais que tout le monde fasse un gros bisou alors qu'il y a des hashtags t'es une connasse quand, puisqu'on disait que quand même, ouais, des fois il y avait une attitude un peu comme ça quand même. Hein. Mais demain, on mérite, sera hein, le hashtag t'es un connard quand. Oui, hein. Oui. Donc on les filles, nous, les filles, tous les trucs, vous les mettez de côté pour le t'es un connard quand. Parce que je suis sûr que vous avez des doses sur nous, les filles. Donc on a quoi, Guéguette? Vous avez vu passer des marrants. T'es une connasse quand tu calcules pas les roues. Bon, ça devait être. C'est perso, pour quand tu, t'es une connasse quand tu commences tes phrases par mouais. T'es une connasse quand tu termines tous tes mots par en. C'est clair, en. Oui, t'as raison. Ça m'énerve. Ah ouais, c'est vrai. T'es une connasse quand tu fais un scandale pour avoir des frites de patates douces. Ah, je s'emmerde. Pourquoi? Ah, voilà. Je la prends. Elle est ciblée, celle-là. T'es une connasse quand tu fais que des photos de bouche en cul de poule. Ah, pas faux. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bon, on fait un bisou à Camille, 12 ans, en pleine révision. Ça va, Camille? Ça va moyen. Oh là là, ça va moyen, pourquoi? D'abord la rentrée, c'était il y a quelques jours. Tout à l'heure on fera un check ton bahut, hein, n'oubliez pas. Oui. Pour essayer de savoir un petit peu, on fera un check ton bahut particulier, puisqu'on le fera avec quelqu'un en live dans le studio. Oui. Qui nous parlera de son bahut. On essaiera de poser 5 questions au bahut. Oui. On notera, et si c'est bon, il aura le label qualité Koé. Et sinon il ne l'aura pas. Et dans quel cas, ceux qui nous écoutent là-bas devront changer de bahut, puisque évidemment, ce sera un bahut de merde. Voilà, forcément. Oui. Obligatoirement. Alors Camille, pourquoi ça va pas? La rentrée c'était comment déjà? Ça allait en fait jusqu'au cours du Sarveo en fait. Ils ont parlé des capitales et tout. En fait, moi, j'arrive pas à me situer bien en fait. T'arrives pas à te situer quoi en France? T'habites où? J'habite à La Ferté-sous-Jouarre. La Ferté-sous-Jouarre, t'arrives à le situer par rapport à Paris par c'est exemple? C'est la capitale de quoi ça? Ouais, vite fait. Ouais, c'est où? C'est à droite ou à gauche de Paris quand tu regardes? À droite. C'est très bien déjà, tu vois, c'est pas si mal que ça. Non, mais à mon avis, c'est avec les autres capitales qu'elle a du mal. Tu galères avec les capitales d'Europe? Non, un peu partout, quoi. Un peu partout. Un peu partout. Eh bien, voici donc ma petite Camille, prends des notes. Nous allons faire dans notre équipe ici, Julie, Pietre, Guéguette, le concours des capitales. Ah, t'as vu, la demoiselle, elle est embêtée, elle est en train de se rendre compte qu'elle a un grand décolleté depuis tout à l'heure, elle essaie de le fermer, elle se dit, il n'y a pas de bouton. Il n'y a pas de bouton. C'est super joli. Et là, son mec, il fait, il n'y a pas de bouton, je l'ai mangé tout à l'heure. Arraché avec les dents. Bon, alors donc, voici. Qu'est-ce que tu fais là? Il me les montre, parce que moi, je vais pouvoir vous dire si vous avez raison ou pas. Ah, mais non, c'est pas juste. Voici, tu joues pas. Écoutez-moi, parce que j'ai les réponses. Voici le grand jeu des capitales. Et donc, vous allez chacun me dire une capitale d'un pays d'Europe. Ouais. Si jamais le premier qui se trompe, le public vous distribuera des trucs de professeur et vous pourrez lui balancer dans la gueule. Ils en ont plein les mains. Je d'accord, crois. Vous avez quoi dans la main à montrer les armes? Vous avez des craies? Je vois des craies, des règles, des stylos. C'est bien, c'est bien. Et une enclume. Vous avez le temps, on vous mettra la personne en face de vous, hein, vous inquiétez pas. Julie, on commence par toi. Oh là là. Bon, ça évite. C'est la première. Donc ça évite. Tu poses les questions? Non, ou... mais non. On va dire des capitales à la suite. Bah, Espagne, Madrid. Non, juste la capitale. Ok. Londres. Paris. Ça y est, tu n'as pas bloqué. Reykjavik. Putain, t'as pas choisi c'est la plus Europe, bah ouais, mais c'est je connais. C'est en Islande, mais c'est. Islande. Allez, on y va. Ouais. C'est l'Europe géographique, hein. Ah, ok. Bah, allez, on continue. Rome. Putain, je le voulais. Lisbonne. Bien. Je rappelle que si vous me dites une ville, mais pas une cathédrale, une capitale, vous Paris. Je l'ai déjà dit. Allez! Non, allez, on lui laisse encore une fois. Non, mais à partir de maintenant, il n'y a attends, plus de temps. Il y a des frais. Attendez. Mais commencez pas à balancer, enfin. Attendez qu'on dise go. C'est tout à l'heure. Enfin, attendez, vous les balancerez tous attendez, en même attendez, temps. Attendez, attendez, attendez. Julie, on a fait quoi? Attends, ça va là. Non, mais l'autre, elle a dit 3 pays. Attends. 50 pays. Mais je sais pas, pense à des pays. La Grèce, l'Italie. Ah, la Grèce. L'Allemagne. Oh. Attends, la Grèce. Grèce. Attends, la Grèce, Allemagne. La Grèce, Mykonos, je sais. Mykonos, Grèce. Grèce. Non, c'est pas Mykonos. Ça. Ah, allez, vas-y, bon, c'est bon, c'est terminé, bon. Allez, Julie, mets-toi en place, t'as les gars. T'aimes pas niveau 5ème. Je suis hyper naze. Tu lui souffles Mykonos, ça fait Mykonos. Je suis hyper naze. Malte. Ah, bah, on a vu ça, ouais. Malte. Oh, allez, en position, le public, vous visez bien, Julie. Tourne-toi, la Grèce, la capitale, c'est Malte. Mais non, c'est Athènes. Non, c'est pas Malte. Mais non. Ah, bah alors, tu vois. Hé, Goé, c'est à toi de prendre ma place. Attendez, attendez, j'ai un doute. C'est Athènes, la capitale de la Grèce. Ouais, c'est Athènes qui a dit mal. Julie qui a dit mal. C'est toi. Tu vas au milieu. Tu vas au milieu. Tu viens avec moi. Je ne jouais pas. Mets-toi au milieu. Je ne jouais pas. T'es solidaire. Bon, je ne jouais viens pas. Avec moi. Non, je suis pas solidaire. Tu mais restes dans ton caca. Mais toi, tu alors que c'est Athènes. Camille, tu noteras bien si tu es interrogé sur la Grèce, c'est Athènes. D'accord. Et continuez vous deux pour voir chacun votre tour. Attends, on va voir lequel des deux craque en premier. Pietre. Sofia. Berlin. Vienne. Ah oui, Berlin. Putain. Bruxelles. Oslo. Ici la Terre, Oslo. Madrid, on l'a dit. Ouais. Non, mais non, on l'a pas dit. Madrid. Si, si, je l'ai dit. Non, je l'ai dit. C'est le premier que j'ai dit. Allez, on continue, on enchaîne. Prague. Putain, ah bah ça, si toi tu l'avais pas trouvé, t'aurais pu dire tout de suite. Prague. Kiev. Bucarest. Kiev. Kiev. Oui, c'est Kiev, c'est en Ukraine. Mais c'est pas une capitale. C'est pas la capitale, c'est la capitale de l'Ukraine. Ukrainienne. Ouais. Ouais. Ouais, d'accord, ok, je suis valide. On pose des noms de pays. Allez, allez, allez, oui. Mais oui, c'est plus simple. Attention, Albanie. Bah non, j'en sais. Mais Tirana, merde. Tirana. Enfin, c'est facile. Andorre. Andorre. Ouais, ouais, bien joué. Attends, je vais en trouver une belle. Estonie. Piet, merde, les pays. Ljubljana. Tallinn. Ah merde. C'est quoi, Ljubljana, c'est ouais, c'est Zagreb. Zagreb, bien, Piet. Bon, maintenant, ça y est, Julie. Ouais, allez, je suis prêt. Vous êtes prêts, le public. 3, 2, 1. Dans sa gueule, on y va, c'est parti. Ah, c'était toujours plaisir. C'est bon, c'est bon. Non. Non, c'est pas moi, Julie, c'est lui. Il y a même un iPhone qui a volé. Il y a même un mec qui a balancé un haut-parleur, pas l'écran, non. Ça mérite pas. Quelqu'un qui m'a fait mal. Camille, je te fais un gros bisou. T'as combien en histoire géo de moyenne en théorie? 5. 5, ah oui, il va falloir. Il faut déplacer les pays pour toi. On va falloir qu'on y arrive comme ça. Je t'embrasse, ma petite Camille. Gros bisou. A bientôt. Je sais pas, c'est pas moi, c'est Loris. Je sais qui c'est. Voici, j'aime bien lui. Claudio. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, comme troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Merci. C'est dur, je confesse, moi je vais m'en sortir, je l'adresse. Toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi, c'est dur, je stresse. Mais mon rôle n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie, abandonner. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte. Si je m'endors, me réveillerai-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? ouvert et que vous êtes pauvre étudiant ou pauvre lycéen dans votre chambre, je vais vous faire un cadeau de ouf. 22h, je vous explique ce que vous allez pouvoir avoir, mais vous allez kiffer. Sondage important. Sondage pour les 10 endroits où faire l'amour. C'est un sondage qui a été fait sur internet. Et c'est vous dire le sérieux du sondage, puisque c'est l'Institut Jackie et Michel qui l'a fait. Je vais vous dire que autant je leur confierai pas tout sur la sécurité routière, mais sur le cul, les mecs vont faire des sondages. Pointu, ouais. Alors, je vous fais le top 10. Vas-y. Top 10, 10e position dans le garage d'un ami. 9e dans un ascenseur. Non, à chaque fois si on a fait ou pas. Attends. Vas-y. Garage d'un ami, Julie. Oui, j'ai fait. Chez qui? Non. Un ami. Ascenseur, bon, Julie. Oui, fait. Ouais. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire que Julie. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de j'ai fait. Moi, l'ascenseur, je pense qu'il serait au-dessus, mais il est en 9e position. Non, préliminaire dans l'ascenseur. J'ai pas fait. 8 dans un parc. Non, pas parc. Parc pour enfants? Non. Même pas un bois? Non, pas à bois, oui. Bon, enfin, un bois, parc, Julie. Bah, c'est pas la même chose. Bah, non, un parc, il y a des gens dans un parc. Le bois, oui, le bois, oui. Dans, sur, oh, alors ça, 7e position sur un medicine ball. C'est quoi, mais ça doit être marrant, c'est ça. C'est dur. Ouais. Non, jamais. Et tu fais les abdos. Ah ouais, tu fais du gainage. Tu gaines. 6e à l'arrière d'une 2 chevaux. Alors, ça, c'est pas possible. Ouais, l'arrière c'est d'une précis. Voiture. C'est dans le cliché. Ouais, voiture. Tu dis? Non. T'as jamais fait ça? Non, mais elle a fait devant, au-dessus, sur le capot, par moteur. Mais à l'arrière, jamais, un siège tellement banal. Oui, j'avoue. 5. À Noël, dans la pièce des cadeaux. Non, ça, non. C'est pointu aussi, ça. Déguisé en Père Noël. C'est sûr. Tu imagines les gamins qui se réveillent? Ah ouais. Maman, il y a Père Noël, il y a un truc. C'est ouf. 4e, sur une poire. Ah, le pouf géant qui prend la forme du corps, là. Ouais. Ah, ça doit être relou, par contre. Tu t'enfonces. 3, la cabine d'essayage, Julie. Ouais. Jamais. 2 dans une banque, dans la salle des coffres. Mais c'est l'endroit où il voudrait, alors. Ah oui, je pense, ouais, plus, ouais. Et première position sur la machine à... Laver. Déjà fait. Ah, bah, évidemment, bien sûr, bah, évidemment. Seule radio joue tous les hits. C'est Énergie. Le samedi, 10h midi, c'est le Hit Energy, le classement de vos 30 hits les plus joués cette semaine sur Energy. Vos 30 hits préférés avec Jerem et Khalid. Le Hit Energy. Numéro 1 le week-end dernier. Qui sera numéro 1 cette semaine? Numéro 1. Hit Energy. Rendez-vous samedi, 10h midi sur Energy. Pearl Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. À la maison, profitez plus et payez moins grâce à l'internet et à la télévision digitale d'Orange. À partir de 39€ par mois, vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Hier, c'était de nouveau. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais je sais pas quoi choisir. Ouais, tout est super beau, quoi. Oh oui. Et toi, t'as pris quoi? La chemise, le top ou le pull? Sophie? Mais t'es où? Ici, je suis déjà à la caisse, hein, j'ai pris les trois. Maintenant chez CA, 2 plus 1 gratuit sur tous les hauts d'âme. CA. Offre spéciale rentrée du journal Le Soir. Abonnez-vous au soir et bénéficiez d'un superbe ordinateur portable. Recevez votre journal papier le jour de votre choix, accédez à tout moment à votre journal et au contenu numérique du soir et choisissez entre deux ordinateurs parmi les meilleurs du marché. Souscrivez dès maintenant à partir de 29€ par mois sur lesoir.be/ordi et économisez jusqu'à 330€. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Depuis toi, je marche seul, sans savoir où je vais. J'ai déposé les armes, mais je ne suis pas en paix. Je fais semblant d'aller mieux, d'avoir tourné la page. Les hommes, ça ne pleure pas, surtout à mon âge. Je passe mes nuits à trinquer à la peine. Je titube dans les rues en criant que je t'aime. J'en vois valser la vie et toutes ses promesses, puisque tu ne réponds plus à tous mes SOS. Adieu, à jamais, à nous. venir sur le port. À nous deux, au passé, à la vie si je m'en sors. De fesses, il me faudra du temps, mais je te jure que j'irai mieux. Peux-tu en dire autant quand tu penses à nous deux? Je n'aimerais pas être à ta place quand tu seras en pleurs devant ta glace en pensant à moi, à tout ce que je t'aimais, écœuré de tes amants. Abandonné, adieu, à jamais, à nos souvenirs sur le port, à nous deux, au passé, à la vie si je m'en sors. Des sondages il y a deux minutes et on apprend qu'aujourd'hui on ment 10 fois par jour minimum. Ouais. Ah et ouais. Qu'on entend en retour jusqu'à 200 mensonges par jour. C'est beaucoup, 10 fois par jour quand même. 10 fois par jour. Ils expliquent que les inconnus mentent à 3 reprises au cours des 10 premières minutes qui suivent une première rencontre. Genre tu fais une rencontre Tinder, Facebook ou machin, t'es à peine posé, les 10 premières minutes t'as déjà menti 3 fois. Ah vous ? Et t'arranges la vérité, ouais, c'est pas souvent des très grands mensonges. Oui. Bonjour, je suis cosmonaute, j'ai 14 ans, vite fait. Vous tous mis la coupe. Non, c'est des petits mensonges. Et il paraît que même les bébés, écoutez bien, qui font semblant de pleurer, rentrent dans la catégorie des menteurs. Ah oui, c'est vrai. De toute façon, moi, j'ai pas confiance dans les bébés. Qu'est-ce que tu vas dire encore? Même quand il fait ouin-ouin, je pense qu'il pense le contraire, il y a un truc qui va pas. C'est chelou. Des fois, ils te regardent, ils font ouin, tu fais ah, t'es chelou, tu penses pas ce que tu dis, tu penses pas. Mytho. C'est bizarre quand même. Hein. Bon, bienvenue tout le monde. Julie, tu es très jolie aujourd'hui. Ah, merci, c'est gentil. Mytho. Allô, il y aura Veronice. Veronice de Nice. Oui.

J'avais aussi S-E-I-N-S, mais bon, ça c'est pour plus tard. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. S-E-I-N-S, hein. Je n'y arrive pas, moi, les lettres, les chiffres et les lettres, j'ai toujours été à chier. Le E, le A, moi je trouve rien. C'est comme au Scrabble, tu me fais jouer au Scrabble, je te trouve heureux, le, la. Ah, c'est vrai. Ah, t'es mauvais. Oh, je suis à chier. Le Scrabble, c'est vraiment un truc. Ouais, c'est dur. T'as des gens, ils te trouvent des mots scolopantes en 6 lettres. Non, même les trucs de vieux, les mots croisés, c'est pareil, j'ai jamais été capable de faire quoi que ce soit avec ça. Ça m'énerve. Tu vois, les vieux, les soins, ils enchaînent. Faut garder ça quand on a 80 ans. Sinon, on s'ennuie. Je crois que dans le public, j'ai cru déceler pas qu'une demoiselle qui a un très beau décolleté, je crois que j'ai décelé notre ventriloque. Ah oui. Ah oui. J'ai vu le retour de notre ventriloque, on verra ça tout à l'heure à la fin de l'émission, d'accord. D'accord, on verra ça tout à l'heure. Bah, un nouveau spectacle, hein, un nouveau sketch. Bon, en attendant, Very Nice the Nice, tu es là? Oui, je suis là. Comment ça va, Very Nice? Ça va très très bien. Tu veux faire Secret Story? Ouais, j'en rêve. Alors mais pourquoi? Elle nous dit sans résultat. J'ai découvert Periscope il y a 8 mois. Puis j'ai monté en flèche dans mes abonnés pour ma gentillesse, mon esprit très ouvert. C'est généralement quand on dit d'une copine qu'elle a l'esprit très ouvert, ouais. C'est que bon, ma force de caractère, ma détermination et surtout pour les concepts qui j'ai instruits sur mes périscopes, oui d'accord, ouais. Qui attirent beaucoup de jeunes qui me soutiennent chaque jour. Bon, qu'est-ce que tu fais sur tes périscopes? Parce qu'à mon avis, t'as beaucoup de gens. Ça existe encore, périscope? Oui, oui, oui, bien sûr, Julie. Ah ouais? Okay. Alors en fait, sur Periscope, j'ai des concepts comme le premier, c'est le Ver Hotel. En fait, j'ai un petit téléphone à recharge avec un petit numéro qui n'est pas surtaxé pour que le maximum de personnes puissent m'appeler. Et en fait, je pose une question en direct, c'est comme une radio. Et les gens m'appellent et ils répondent à la question. C'est toujours des questions d'actualité parce que c'est vrai que les jeunes, on n'arrive pas toujours à les entendre quand ils veulent parler. Et c'est vrai que les questions que je pose sont très attirantes et ce qui fait qu'ils m'appellent tout le temps. Donc ils répondent à la question. Pendant ce temps-là, ceux qui sont derrière, ils écoutent, ils entendent, ils répondent aussi en même temps, ils donnent leurs avis et ça permet en même temps aux abonnés de faire connaissance entre eux et de récolter des abonnés. Mais c'est quel genre de questions par exemple? Bah ces questions, par exemple, là comme là, il n'y a pas très longtemps, c'était le 11 septembre, on a fait un débat sur le 11 septembre. J'ai fait en même temps aussi une minute de silence. C'est enfin, cool, c'est toujours des trucs comme ça d'actualité. Ah, c'est pas des trucs très très gays. Un peu de sexe. T'as différents non. thèmes ou pas? Ah, pas de sexe. Non, c'est que de l'actu. Non, il n'y a pas de sexe. Après, par contre, il y a un autre concept que je fais qui s'appelle le confessionnat. Et en fait, là, c'est totalement différent. C'est avec le même numéro de téléphone. Le confessionnal. Seulement les comment t'as appelé pareil, ça? Comment t'as appelé ça? Et ils racontent le confessionnat. Nal. Le confessionnat. Nal. Mais c'est fait exprès? Oui, c'était exprès en fait. Et en fait, les gens m'appellent et ils racontent un peu ce qu'ils veulent. Soit des coups de gueule qu'ils ont actuellement, soit des coups de galère, super. Soit carrément ils se confessent d'une connerie qu'ils ont faite, etc. Mais en fait, tu fais ce qu'on fait avec personne qui écoute, quoi. Voilà, exactement. Exactement, bon, mais, exactement. Mais j'ai pas compris. Pourquoi? Quel rapport avec Secret Story? Je comprends pas. Alors quel rapport en fait? Alors au départ quand j'ai commencé à mettre sur Periscope, c'était par curiosité et puis de ma gentillesse comme j'ai expliqué et puis bah du fait de mon ouverture d'esprit, j'ai commencé un petit peu à monter et de là j'ai commencé à parler de Secret Story. D'accord. Et de là les gens se sont vraiment intéressés à moi. Lorraine, ça fait 2 minutes. Oui. Les gens se sont vraiment intéressés à moi et c'est là que j'aurais parlé de Secret Story. Et de là certains m'ont beaucoup compris. Et ils m'ont dit, mais Véronique, fonce, ils vont vraiment s'y aller dedans. Ça aurait été quoi ton secret? C'est sur Periscope. Et personne ne regarde. C'était quoi ton secret si t'avais fait Secret Story? Et donc là, ça fait 8 mois que c'est sur Periscope, personne n'a encore découvert mon secret. Donc c'est énorme. Mais c'est quoi ton secret? Bah oui. Vous saurez l'année prochaine si je rentre dans Secret Story, vous serez là pour me suivre. Dans Secret Story ou Confessionnat? Ah non, Secret Story. Confessionnat, pour l'instant, c'est sur Péri. Mais Secret Story, ce sera vraiment en vrai. Pourquoi t'as appelé ça confessionnat? Alors confessionnat parce que c'est justement, c'est les gens ils se confessent, ils racontent vraiment soit des coups de gueule. Je suis d'accord ma chérie, mais attends, pourquoi confessionnat? Pourquoi à la fin? Je sais pas, j'ai appelé ça comme ça. Tu sais que c'est un confessionnal. Ouais, mais moi j'ai appelé confessionnat. C'est fait exprès donc. Voilà, c'est fait exprès. Et là j'ai instruit encore un autre concept qui s'appelle le Véro Bac Astro. Ah, tu fais de l'astrologie aussi? Non, ça n'a rien à voir. En fait, c'est non. comme le, c'est comme le, c'est Julie comme Lourdes, le, c'est comme le, bar, le, c'est comme le baccalauréat. Et en fait, je prends, donc j'ai des personnes attitrées dans mon périscope quand, quand je fais ce jeu-là. Des administrateurs qui contrôlent par rapport au pouvoir si elle a triche ou pas. Et au bout de 10 points, quand quelqu'un a récolté 10 points, il me donne son signe astrologique, okay. son adresse, et je vais lui acheter un astro que je lui envoie directement chez lui. Voilà. Bien. Ok. Mais alors attends, parce que ça fait 3 fois que tu passes le casting et t'es toujours pas dans Secret Story. D'après donc toi, pourquoi ils t'apprennent pas alors? Ben je sais pas, c'est parce qu'ils m'ont pas encore repéré. Et c'est pour ça que justement, quand je suis sur Péri, tout le monde me le dit. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens attends, qui m'ont aidé. Attends, quand tu dis tout le monde, c'est combien de personnes? 5. 20 000 personnes. Wow, 20 000 20 000 personnes qui suivent. Ouais, 20 000 personnes qui me suivent actuellement sur Periscope. Ah ouais, c'est vachement bien. Bah ouais, pour une maman c'est énorme. Et même encore aujourd'hui, j'arrive pas à réaliser que j'ai 20 000 personnes qui me suivent. Bon après, c'est vrai que dans les 20 000, il y a quand même des, on va dire, entre parenthèses, des cafards. Moi, je les appelle des cafards. C'est quoi des cafards? Les cafards, c'est des gens qui sont là, qui servent à rien, qui sont là pour on va c'est dire, méchant. pour me rabaisser, pour me dire non, mais ça sert à rien, t'ira pas et tout. Ah, après, mais moi, après, en fait, est-ce que c'est des cafards ou des gens qui peuvent dire un peu la vérité aussi? Non, faut pas c'est te des dire. Gens qui sont d'accord. Jaloux, c'est des gens qui sont jaloux, Jaloux. La petite à côté est jaloux. Ouais, et même ma fille de 4 ans, elle est prête à ce que je passe à la télé, elle a même tellement hâte. Mais tu sais que si, mais attends, si tu vas à la télé, c'est pour quelques semaines, voire des mois, et tu la verras pas, donc ça va être difficile aussi. De laisser ta puce de 4 ans pendant 2 mois, ça te fait rien? C'est pas grave. Non, parce que moi je suis prête psychologiquement, ma fille je l'ai préparée aussi. Oui, elle a des boîtes de conserve, elle ouvre boîte. Elle a des boîtes, elle a un plan, l'épicerie elle sait où aller, elle a de l'argent, elle peut se débrouiller toute seule, elle se gère. Non, mais déjà, Secret Story à la base, ils prennent que des jeunes. Déjà, t'es tranquille pendant un an. Je veux pas te faire de mal, mais là pour l'année qui vient, oui, tu vas être à l'aise puisque c'est mort pour cette saison. Oui, pour cette c'est mort. Pour cette année c'est mort. Mais tous les ans tu fais le casting du coup. Tous les ans je fais le casting. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Je nasse pas le morceau. Ah mais non. Ils te disent quoi? Mais ils répondent pas. Ah donc tu fais pas le casting. Ah mais tu fais pas le casting alors. T'envoies ta candidature, serre-tête. Voilà, j'envoie simplement ma candidature. Ah, tu passes pas encore le casting devant les gens dans la caméra. À chaque fois envoyé ta candidature, ils ne t'ont jamais rappelé. Ah mais jamais. Non mais déjà à la base Secret Story, ils prennent je crois que cette année où il y avait un mec de 40 ans, mais globalement ils prennent que des jeunes entre 18 et 25 ans. Mais toujours mieux. J'ai 47 ans. Mais moi je sais que moi j'ai suivi toutes les saisons. Et ils ont déjà pris des personnes comme Nathalie qui a 43. Oui, mais parce qu'elle avait un secret avec un jeune. Mais pourquoi tu veux faire Secret Story? C'est pour t'amener à pourquoi quoi au Alors, final pour deux raisons. La première, parce que c'est un rêve de maman. Moi je comprends pas ce rêve. La deuxième parce que c'est un rêve de maman. Non, la première parce que c'est un rêve de maman. Et la deuxième, c'est un rêve de maman. Tout simplement parce que je veux prouver justement aux téléréalités qu'une maman, elle peut réussir vraiment à aller jusqu'au bout de son rêve et de gagner la finale. Mais t'es pas la première maman à avoir fait de la télé-réalité. T'es pas la première maman à faire la Secret Story même, je crois. Ah non, justement, mais moi je veux vraiment montrer au public qu'on peut aller, qu'une maman, elle peut aller vraiment jusqu'au bout de ses rêves. Elle peut vraiment aller jusqu'au bout. Mais il y a plein de mamans qui ont fait cette Secret Story. Tu veux pas aller au bout de tes rêves dans une vraie vie, c'est-à-dire aller au bout de tes rêves en faisant un métier qui te plaît, en faisant une passion qui te plaît, en faisant plus de trucs sur tes réseaux sociaux, plutôt que de te dire que ton rêve c'est de faire Secret Story. Parce que bon, c'est pas une fin en soi. Après, c'est vrai que chaque personne a des rêves plus ou moins des fois bêtes et des fois qui sont vraiment inimaginables, qu'on dit qu'on pourra jamais le faire. Mais moi, c'est mon rêve. Tout simplement parce que je me dis que chacun a sa place. Chacun a sa place dans une télé-réalité. Qu'on ait 20 ans, qu'on ait 47 ans, pourquoi pas? Et moi, c'est vraiment le but d'aller jusqu'au bout de la finale et de gagner. Prouver qu'on peut le faire. Tu veux que t'aies déjà essayé d'appeler Christophe Beaugrand ou pas? Alors, Christophe Beaugrand, je l'ai demandé en snap et il ne m'a pas rajouté. La seule personne actuellement qui m'a vraiment ajouté et que je n'ose pas encore pour l'instant aller lui parler, c'est Jérém Star. Jérém Star, il n'a rien à voir avec Secret Story. Non, il n'aime pas prendre son mal tout seul. Non, il n'a rien à voir, mais c'est vrai que Christophe Beaugrand, je l'ai ajouté, il ne m'a pas encore accepté. Ah, appelle-le. Tu veux qu'on l'appelle? Ah, mais j'ai pas ses coordonnées, ça fait longtemps que je répète. Oui. Bon, on reste avec vous, on va voir si dans un instant on peut l'appeler ou pas, ça te fait plaisir, d'accord?

capte il même pas. Pas gentil. Attends, bouge pas. Pourtant si. Hein. C'est qui que j'ai en ligne? Allô? Allô? Oui. Attends, ne bougez pas, Véronice. Christophe? Oui, c'est Christophe Bogan, bonjour. C'est ton coco. T'as vu comment il prend sa voix sexy? C'est ton... Bah, j'essaie de prendre une voix un peu sexy, on sait jamais. C'est ton coco, l'appareil. Comment ça va, mon coé? Ça va bien? C'est toujours aussi beau, et je voudrais pas dire, mais t'as tellement minci, tu es sublime. C'est vrai, c'est Christophe qui t'avait mis un message comme quoi t'étais beau. Mais oui, je l'ai vu ton message, mon coquin, je l'ai vu passer. Mais tu deviens presque envisageable. Je sais pas comment je mais si, je suis envisageable. À 23h un samedi, je commence à être envisageable. C'est ça. Tu sais quoi? C'est pas mal déjà. Je vais travailler pour être envisageable à 20h. Ah, génial. Pour que ce soit mieux. Bon, Christophe, l'heure est grave. Oui. D'abord, ça se passe bien, Secret, t'es content? Ça se passe très bien, on s'amuse beaucoup, il se passe plein de choses, donc oui, on ne s'ennuie pas. Et donc, j'ai bien cru comprendre qu'il y a une candidate potentielle qui vous a appelé, c'est ça? C'est ça, ouais. Qui est en ligne, qui est pas contente parce qu'il paraît qu'elle a essayé de te suivre, tu ne la suis pas. Non, alors j'ai dit, écoute, bon, il y a un moment donné, j'appelle Christophe directement, elle veut faire Secret, c'est son rêve depuis des années. Bon, allô, bonjour, qui c'est alors? Comment s'appelle-tu? Christophe Beaugrand, Véronice. Alors, bonjour, Véronice. Bonjour, Christophe. Ah, tu ça vois, va bien? Enfin, tu peux lui parler. Enfin, je peux entendre sa voix. C'est déjà plus qu'un rêve, déjà. Ah. Ah bon, faut pas exagérer quand même. On réalise les rêves ici. Ah, si. Bon, alors, Véronaï, dis-moi, alors, quels sont tes arguments pour participer à la saison 11, du coup? Parce que pour la 10, c'est trop tard. Ah oui, c'est ce qu'on lui dit, ouais. Pour la 10, ouais, c'est trop tard, malgré que j'ai poussé vraiment les choses à fond, à même t'envoyer un snap pour te faire une demande, que j'attends encore toujours le retour. Mais j'ai pas vu passer le snap. Mais il doit y avoir tellement de monde, tu sais, Véronique. Ouais, mais j'imagine. En plus, j'essaye de répondre vachement aux gens là sur Twitter, snap, mais c'est vrai, ou sur Snap, mais bon, voilà. On peut pas tout faire. Fais-moi rêver, donne-moi envie pour que je te vende au casteur, tu vois, pour que. Vas-y. Alors, en fait, je me présente. Donc, je suis une maman. Fais-le rêver. T'as 10 secondes, là. Pas genre la présentation. Le rêve. Vas-y, tac. Allez, vas-y, rêve, Véronaïs. J'ai envie de rêver, là. J'ai envie d'avoir du désir, là. Il faut qu'il se passe un truc, Véronaïs. Alors, je vais pas me vendre, mais presque. En fait, je suis simplement une maman. Très, très ouverte. Je fais des périscopes avec 22 abonnés. Qu'est-ce que tu appelles une maman très, très ouverte. Ah oui, c'est développé. Toi aussi, ça t'a choqué, cette phrase. Hein. Oui, je me suis posé une question, simplement. Mais non, très, en fait. Très ouverte parce que, en fait, pourquoi? Parce que j'ai des adolescentes à la maison Véronaïs, on s'en fout. Tu vas pas faire chier tout le monde. Excuse-moi, Christophe, je vais dire ce que t'oses pas dire. Véronaïs, tu vas pas faire chier tout le monde dans Secret Story en disant bonjour, je suis une maman, j'ai des adolescents. À un moment donné, Véronaïs, il faut un truc. Il faut qu'il fasse rêver. Il faut un truc, c'est bien beau de le vouloir, mais une fois que tu l'as, il faut un truc étonnant. T'as un secret? Je suis imitatrice de Sylvie. Oui, j'en ai un secret. J'ai un putain de secret. Excusez-moi, j'ai un putain de secret. C'est moi, deux double Sylvie. Alors, dis-les-nous les secrets. Bah non, c'est mais je peux pas vous les dire. J'attends qu'une chose, c'est que Christophe me castingue, je lui dirai. Je vais castinguer Véronaïs. Ça va bien se passer. Il faut que tu la castingues. Je veux bien te castinguer, mais alors, quel âge as-tu, Véronaïs? J'ai 47 ans. Ah oui, quand même. Mais d'apparence et de caractère, j'en fais pas 47, j'en fais peut-être 30. Donc tu es tu es en train de me dire que tu es une maman super moderne et que tu pourrais montrer qu'on peut avoir 47 ans, être jeune dans sa tête. Exactement, c'est ça. Est-ce que tu es sexy, Véronaïs, dis-moi. Oui, je pense qu'ils vont vous montrer les photos. Je pense que la photo que j'ai reçue. Alors, elle est sexy ou pas? Tiens, viens, je te montre. T'as vu? Ah ouais. Est-ce que t'as vu ou pas? C'est quelque chose, ouais. Mais alors, ces petits motifs panthères, c'est toujours comme ça qu'ils s'habillent alors? Je vais en parler à la production. Si jamais on a envie d'avoir une personne un profil un poil plus âgé la saison prochaine, ce sera toi, Véronaï. Il est fort. Hey. Je vais garder encore espoir, comme ça fait 3 ans que je garde espoir, mais je vais garder espoir parce que je sais qu'un jour je vais y arriver. Et j'avance. Mais je te promets, Christophe, qu'on va se rencontrer, ça c'est sûr et certain. On va se rencontrer. Mais oui, mais c'est ce qui me fait peur. Mais tu sais quoi, je rigole. Je donnerai l'adresse de Christophe. Mais en revanche, puisses y aller. Non, s'il vous plaît, non, pitié, pas ça, s'il vous plaît, Sébastien. Non, en revanche, non, non, ce que je peux vous proposer, c'est que Véronique vienne assister à un prime, à une émission, et on pourra discuter un petit peu, il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir. Tu peux lui balancer ton secret. Mais si tu veux faire Secret Story, il faut que tu aies un putain de secret. Il ne faut pas que ce soit genre, j'ai un pot de confiture dans le frigo depuis 1996. J'ai un putain de secret. Oui, j'ai un putain de secret. Dis-le nous, moi j'aimerais bien. Tu veux pas nous le dire hors antenne? Dis-le hors antenne. On te laisse avec Christophe hors antenne et tu lui dis. Non. Je veux lui dire de vive voix. Bon, allez, écoute, Véronique, si tu as l'occasion de passer par Paris, on sera ravis de te recevoir. T'habites loin de Paris? Véronique, the nice. Véronique. Ah oui. Sinon, ça aurait été Véronique de Paris. Ça fait un peu loin, Nice, évidemment, mais c'est qui elle est. Non, c'est pas Nice, c'est Perpignan, exactement. D'accord. Pourquoi le jeu de mots ne marche pas, du coup. Véronique de Perpignan, ça marche pas. Pourquoi ce nom? Parce qu'en fait, il y a très longtemps. C'était son secret. Elle est pas de Nice. Je suis passé sur l'autoroute de Nice. C'est pas mal comme secret, ça. Christophe, tu l'invites vraiment, Véronique. On va pas faire une heure là-dessus, parce que Christophe a du boulot. Même si ça paraît, il a du boulot. Mais oui, clairement. C'est bien. Mais tu le sais que pour faire des conneries, ça prend du temps. C'est le plus dur. Et je le suis sur Twitter, je le suis sur Snap. On a bien compris. Et je le suis dans Secret Story. Donc oui, elle me poursuit. C'est ça, en fait. Non, mais en tout cas, je serais ravi, si jamais tu es de passage à Paris, je te réserverai deux places pour que tu puisses venir assister avec une copine ou avec ta fille, je ne sais pas, avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'est un bon début. Bisous, c'est un bon début. Gros bisous. Bonne soirée. Christophe, à bientôt. Ciao, à bientôt, mon collègue. Merci, bisous à tout le monde. Je t'embrasse fort, bisous. Et allez, tous regarder Secret si vous matez. Allez, gros bisous, Christophe. Ciao. Envoyez vos SMS à Koé au 611-12. Thank you. Code Koé au début du message. Pourquoi Énergie est encore et toujours votre radio préférée? Parce que tous les matins, vous pouvez multiplier votre salaire par 10. Envoyez salaire par SMS au 78 et le 16 septembre à 7h45, l'un d'entre vous se verra offrir 10 fois son salaire. Les plus beaux cadeaux, les plus beaux rêves se gagnent et se vivent grâce à Énergie. Grâce à Énergie. 1 € par SMS envoyé et reçu. Apprenez-en plus sur l'équipe qui, tous les matins, est avec vous dans le réveil du roi sur Énergie. Jérém du Standard. Il y a un truc que j'adore quand je conduis, c'est aller dans mon nez. Le problème, c'est que les autres me voient. Il y a un truc que je suis incapable de faire, c'est écrire un message et parler à quelqu'un en même temps. J'adore éternuer. Si je pouvais éternuer sur commande, je le ferais tout le temps. Dès que je fais un karaoké, j'essaye toujours d'imiter Claude François. Le lundi au soleil. Le problème, c'est que je connais que ça. Le réveil du roi, 6h-10h sur Énergie. Le réveil du roi. Avec Olivier et Bérénice. Dans un monde qui change, vos achats online ne vont pas attendre la carte de... Papa ? Oui ? Je peux prendre ta carte ? Non. Vous avez entre 18 et 28 ans ? Découvrez notre offre Hello for You gratuite avec une carte prépayée pour vos achats online. Plus d'infos sur notre site ou dans l'agence la plus proche. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale vous offrent une entrée gratuite pour le plus beau parc miniature d'Europe à Bruxelles. Ce samedi 17 septembre, recevez une entrée adulte d'une valeur de 15 € à l'achat de votre journal. Une excursion magnifique pour toute la famille. Une place gratuite dans chaque journal, c'est ce samedi 17 septembre. Encore une exclusivité. Vous voulez acheter une voiture d'occasion? Cherchez-la en ligne sur autovlan.be et achetez-la chez le concessionnaire près de chez vous. Trouvez toutes les marques et tous les modèles pour chaque budget sur autovlan.be. Vous voulez vendre une voiture? C'est aussi possible et c'est même gratuit. Autovlan.be, la référence des petites annonces auto. Tous vos hits sont sur la triple compile Energy Back to School 2016 avec 21 Pilots, Jennifer Lopez, Bob Sinclair, Erice Treffy, Galantis, Lost Frequencies et beaucoup d'autres. Energy Back to School 2016 en vente sur energy.be et partout en Belgique. Au cinéma, il y a ceux qui aiment les films de guerre avec des héros qui tuent la moitié des méchants. Ou encore ceux qui aiment les comédies parce qu'ils sont morts de rire la moitié du temps. Ou ceux qui aiment la science-fiction avec des extraterrestres qui en veulent à la moitié de l'univers. Parce que vous aimez le cinéma et pas qu'à moitié, faites le plein de films au BNP Paribas Fortis Film Days. Du dimanche 25 au mercredi 28 septembre inclus, 4 jours full cinéma et chaque ticket à moitié prix. À ce tarif-là, tout le monde y va. Vos stars énergie préférées sont toutes sur la scène du Energy Music Tour. La plus grande tournée musicale européenne s'arrête pour la première fois à Marchand-Famène. Sur scène, Amir, Delta, Slimane, Boosty, Frérot de la Vega, I Need, Alex Jermis, Le Binôme, Julian Peretta, Sound of Legend, Feder et Tal. Le Energy Music Tour au WEX, présenté par Marco. Le 23 septembre à Marchand-Famène avec Planète Parfum. Un événement Energy. It's music only. Tout le monde fait le jamais. Ils sont mignons. Ils sont pas en même temps. Hein. Ils sont mignons. Bon, tout à l'heure, on aura une grosse surprise à 22h. Faudrait que je vous explique un truc. Oui, oui. Qui va vous faire plaisir. Truc de ouf. Hashtag range ta chambre, ça cartonne aussi. Oui, pareil. Range ta chambre. On a énormément d'inscriptions. Ouais, vous allez sur energie.fr, il y aura Martin Garrix dans un instant. Mais alors, j'ai eu une info qui est arrivée avant qu'on fasse le lancement du super jeu. Je fais une bise à la Belgique, on est numéro 1 tous les soirs. Il y a eu le 13 septembre le plus chaud. Jamais. Et je dis bien jamais enregistré depuis l'histoire de la météo belge. Mais non. Ah ouais. Le 13 septembre à 14h, il a fait 29 degrés 6 en Belgique, soit la température la plus élevée jamais enregistrée un 13 septembre. C'est depuis ouf. 1901. Ah, c'est dingue. C'est le 13 septembre le plus chaud, c'est fou, hein. Ouais. Si toi aussi tu rencontrais les 13 septembre les plus chauds de ta région. Ouais. De... Emma, comment ça va, Emma? Ça va. T'es tendu? Ouais, un peu. T'es tordu, je sais que t'es tordu, j'ai sorti, t'es tordu. Détends-toi, ça va bien se passer. Allez, regarde, écoute, je suis en train de prendre ta fiche, là, bouge pas. Je fais ça en live. Alors, Emma, 16 ans, Bordeaux. Bleh, j'aime bien Bordeaux, j'aime bien, je fais une bise à tous les amis de Bordeaux. Je vais les remixer bientôt à la plage à Bordeaux, je vais y retourner encore. Ah oui. Ah ouais, je vais y aller, j'adore mixer dans ce club. Mais il paraît qu'il est génial. Et la dernière fois, j'ai fait une pool party de ouf à la plage à Bordeaux. Ah, avec des poules. Ouais, que des poules. Là, c'est énorme. Et là, je vais bientôt y retourner, je pense, au mois d'octobre, on va se refaire un truc, mais sur la terrasse en plein air. Oh là là. Mais c'est bien. Au mois d'octobre, il fait bon là-bas. Il fait frais, c'est couvert, les gens ils sont là avec leur verre, petite clope et tout, ils sont bien. Ah, ils sont bien, c'est une tuerie. Bon, ton frère s'appelle Tom, il a 18 ans. Voilà, c'est ça. Il paraît qu'il est très colérique et très protecteur. C'est ça, il ouais. Il ne supporte pas Robin, qui est ton ex. Exactement. Parce que Robin t'avait déjà trompé, hashtag petit enculé. Voilà. Voilà, il paraît que ton frère est mal dans sa peau, il se met hors de lui quand on dit qu'il est gros. C'est ça. Il est gros? Non, enfin, pas vraiment, mais c'est vrai que lui, il est... Quand on a, il est gaillard, comme on quand dit. Quand on a du gras, on n'aime pas. Voilà. On dit ce qu'on a du gras. Et il est radin. Et toi, un tu peux beaucoup. Pas compter sur lui quand tu lui demandes de l'argent, genre il est jamais là. Ah ouais. Ah non. Voici les 5 phrases à dire à ton frère. Je me suis remise avec Robin, même s'il m'a dit qu'il te trouvait gros. Bim, comme ça on fait les deux dès le début, ouais. On est bien. En même temps, il a pas tort, t'es un gros porc. Oh là là, c'est dur. Ça rime. Je veux bien le quitter si tu me donnes 150 euros. Ça c'est pas crédible, ouais. Bon, t'es sûr le rapport? Bah, pourquoi? Ah bah, si. Ok, d'accord. Tu vois, t'es gros et radin, t'as rien pour toi. Et la dernière, t'es jaloux parce que toi, tu trouveras jamais de meuf. Dans un instant, ma chérie, t'appelle ton frère, d'accord? Ouais. Allez, à tout de suite, ça va aller. La météo va se calmer là dans les jours qui viennent, il va faire froid. Déjà, moi j'ai pas envie qu'il fasse tout l'ouest de la France, demain, déjà il fait 20 degrés. Hein. Ah, mais ça, déjà depuis hier dans l'ouest de la France, puis aujourd'hui ils ont eu mauvais temps. Ah bon? Oui, ça se décale vers le. Ça y est, 20 degrés demain, bam. C'est bien, parce que j'ai un petit blouson que j'ai acheté. Ça, c'est pas Martin Garrix, c'est plutôt Frérot de la Vega. Ah, oui, ou alors il a changé, Martin. Ma faute. Au-delà des orages, je pars en voyage. Se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. je pars en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant. Le soir sur Énergie, écoutez mes jingles. Oui, bon, il y a Koé aussi, mais bon, il y a surtout mes jingles. Koé, 19h-22h, sur Énergie. Un jour, une heure, aujourd'hui, Mathilde à la réalisation de l'émission. Mathilde, pour l'instant, comment se passent les choses? J'ai l'impression que ça se passe bien. Non, bah, toi, d'abord, tu te fais pas toi-même ton rapport de stage, s'il te plaît. Tu nous laisses remplir les cases. Mais je veux dire, est-ce que tu kiffes bien cette émission? Est-ce que oui, tu t'amuses? Je m'amuse. Ça se voit pas. Non. Je t'entends pas exploser de rire. Elle rigole pourtant. Stouff, elle rigole. Stouff, elle rigole. Même quand c'est pas drôle, ça qui est marrant. Ouais, mais Stouff, elle est bonne cliente. Stouff, plus c'est débile, plus elle rit. Donc c'est ça qui est rigolo avec Stouff. Faut que tu ris plus, toi. D'accord. Ça même va, si ça fait pas rire. Ok. Ok. Ça fait l'effort. Fais l'effort, tu ris. Voilà, bien. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, t'arriveras de choix. Voilà, vas-y. Très bien, excellent. Je crois qu'Estelle voulait dire quelque chose, oui, mais elle n'a pas réussi. Non, j'allais dire même quand je baise, je rigole. Ah, sympa. C'était classe. Et c'est pas vrai. La dernière fois, j'ai trouvé que tu rigolais pas trop. Alors non. On aura Amir qui sera notre invité bientôt. C'est le nouveau, celui-là. On dirait. Il est bien, il est bien. J'aime bien. Moi aussi j'aime bien. Si il est bien. Claude, il y a un petit truc. Je crois que ça sifflote. Il y a un toutou youdou, il y a quelque chose. Il y a un toutou youdou. Ça sifflote, je crois. Le sifflote, c'est le succès. Sifflote pas? C'est quoi? Sifflote. Ah, il dit toutou dans le dehors de toi. Non, attends. Mais arrête tes conneries, tu chifflotes pas. Ah là non. On dirait. Mais arrête, tu fais chier toi. Non, non, écoutez. Toujours été. Froid qui sifflote. Froid qui sifflote. Je suis persuadé qu'il sifflote. Tu voudras qu'on rajoute les sifflets. Emma, 16 ans, Bordeaux, vais piéger ton frère. Redonne-moi les 5 phrases à dire à ton frère, Emma. Alors, la première, je me suis remise avec Robin, même s'il m'a dit qu'il te trouvait gros. Ah ouais, je dis oui. Ah, je dis oui. En même temps, il a pas tort, t'es un gros porc. Ah oui. J'adore cette fille. Je veux bien le quitter si tu me donnes 150 euros. J'aime ce jeu. Tu vois, t'es gros et radin, t'as rien pour toi. Et la dernière, t'es jaloux parce que toi, tu trouverais jamais une meuf. Là, une meuf, ça veut rien. Une meuf, ouais. On y va, on appelle ton frère. Jamais une meuf, ça fera l'affaire. Et je serais qui, là ouais. Qui je pourrais être? Bah, Robin. Ouais, je suis Robin de loin. Mais de loin, Robin. C'est pas Robin des Bois, c'est Robin de loin. Ouais, allô? C'est qui? Ouais, c'est Emma. Pourquoi t'appelles un masqué? Ah ouais, j'ai eu un problème avec mon téléphone, enfin je te raconterai. Ouais, bon, et du coup, voudrais que je te dise un truc. Ouais, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tu vois, Robin? Ton bureau d'ex, là? Ouais. Eh ben, en fait, j'ai fait une petite soirée avec lui, tranquille, et puis... Attends, comment ça, une soirée avec Robin? Tu l'as pas revu, quand même? Non, mais Tom, calme-toi. Enfin, si, je l'ai revu une fois. Et du coup, bah, en fait, on a bien parlé et tout, toute la soirée, voilà, on s'est bien amusé, tranquille. Mais n'importe et quoi, coup... mais vas-y. Allez, s'il te plaît. Et du coup, bah, je me suis remise avec lui. Et même s'il a dit que c'était un gros porc. Non, c'est une blague, là. Non, mais il a dit quoi? Il a dit quoi, l'autre, là? Il a dit que c'était un gros porc. C'est une blague, là. Non, mais vas-y, c'est la folle, là, avec ton nouveau mec, là, ton ancien mec. Non, mais c'est un gros connard, pourquoi tu t'es remise avec lui? Puis il m'insulte. Calme-toi. Mais... Oh. Je pète les fous là. T'as vu comment tu parles? En même temps, il a pas tort. T'es vraiment un gros porc. T'as vu comment tu parles? Oh. Mais je vais te détruire. Non mais la vie de ma mère là. Tu vas rien comprendre. Mais pourquoi tu t'es remis avec ce connard là? Calme-toi. En plus, c'est toi la pintade là. Tu t'es vu? Non, mais ça va là. T'as 16 ans. C'est bon. T'es toute petite là. Et tu fais la folle. Eh, 16 ans. J'ai le droit de faire ce que je veux. Non, à 16 ans, j'ai pas le droit de sortir avec un mec à 16 ans. Ça te dérange? Ben non, t'es mineur. Tu ressors pas avec un mec qui t'a traité comme une sous-merde là. Oui, bon, écoute, on a parlé et tout, tranquille maintenant, voilà, on s'entend bien, et voilà. Non, tu vas te faire éclater par papa et maman, et moi je l'encule ton mec là, je le défends. Mais t'es même pas obligé de leur en parler. Et alors là, je vais tout leur balancer. Si tu veux, je veux bien me quitter si tu me donnes 150 euros, mais bon. Mais bien sûr, tes 150 euros, tu sais quoi, tu peux te les mettre dans le cul et tu peux les mettre dans le cul de ton mec. Non, mais la meuf, elle me parle comme un chien et après, elle veut juste 150 euros. Tu vois comment t'es ? T'es hyper radin, de toute façon, t'as rien pour toi, t'es vraiment trop gros et tout. Et t'as quoi là ? Vas-y, c'est ça, vas-y, continue. Non, mais t'es où là en plus ? T'es où ? Je suis à la maison, pourquoi ça te dérange ? T'es à la maison là, t'es avec lui ? Non. Non, mais là, j'arrive, je vous défonce. Allô ? Oui, il a raccroché. Écoute, je vais être franc avec toi. On était à deux doigts de déclencher. L'alerte fake. La brigade du fake. Ouais. Parce que on s'est dit qu'il jouait un peu mal, ton frère. Allez. Il joue mal, ton frère. Tu l'as prévenu pour gagner un cadeau. Ah non, mais on joue pas. Hein. Tu l'as prévenu. C'est comme ça tout le temps. Tu l'as prévenu. Non. Tu l'as prévenu. Non, c'est son dans le nom que... Pas. Tu l'as prévenu. Ah mais moi je... Non, attends, je voulais gagner l'argent et tout. L'argent. Ah non, l'argent. J'aurais prévenu et tout. Tu voulais gagner l'argent. Tu veux gagner l'argent. Il n'y a pas d'argent à gagner. Oui, enfin les cadeaux quoi, c'est la même. Je vais le revendre. Ouais. Donc pour gagner les cadeaux, tu l'as prévenu. Bah non, c'est pas sinon grave, ça marche pas. Mais c'est pas grave, on le sait, c'est pas grave, on l'a détecté tout de suite, c'est pas grave. Dis-le nous, dis la vérité. Tu l'as prévenu juste avant, c'est pas grave, ça change rien pour les cadeaux de toute façon. Je le dis vite fait quoi. Ah N'applaudissez pas ça, vous. Mais n'applaudissez pas ça, parce que qui veut la neuf veut la veuve. Voilà. Qui veut un super jeu, tu as une meme, je sais pas quoi dire. J'ai pas de truc en eux. Vas-y. Emma, tu le sais très bien. Emma, putain, on le sent. On le dit. On le sent. Et voilà. Rappelle le frère. Elle a raccroché. Rappelle tout de suite le frangin. Hop, bim, c'est moi qui rappelle. Attends, je vais essayer de jouer. Oui, le Robin, voir le mec qui va peut-être ensemble. Jusqu'où il va aller. Il décroche plus. Ça se trouve, ils sont mis d'accord. Genre, tu décroches plus après. Là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a là encore? Ouais, c'est Robin là, pareil. Vas-y, je t'emmerde, mec. Mais va te faire foutre là, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, moi je suis Robin, tu es ok? Et j'en ai rien à foutre de tes conneries, d'accord? Moi je suis revenu. Robin avec... le Mongolien, vas-y, moi je te défonce là. Moi je suis revenu avec ta soeur, j'en ai rien à foutre de toi, ok? Mais t'es revenu avec ma soeur, mais espèce de gros con va. mec, il est bon, il continue. Ça fait pas chier, on t'a gaulé. Ouais. Elle a balancé. T'es avec elle là? On vous a gaulé. Vous avez triché. Tom, on vous a gaulé. C'est qui avec toi? Tom, tu peux sortir du rôle. Tom, on vous a gaulé. Avec tes potes là en plus, Tom. Tu te fous de ma gueule. Tu peux arrêter. Tom, arrête de t'acharner. Tom, on sait qu'elle t'a prévenu. Tom. C'est qui là? C'est Koé. On sait qu'elle t'a prévenu. Oui. Comment? Koé, mais. Koé, mon cul. Qu'est-ce que j'ai dit? Tom, on sait que c'est mort. Elle t'a prévenu. Ouais, elle te l'a dit. On sait que t'as triché. Elle ne l'a dit. On sait qu'elle a triché. C'est qui là? Tom. Arrête de jouer maintenant, arrête. On le sait. C'est qui a triché? Tom, toi. Ah, je sais pas qui vous êtes là, je comprends rien. Tu me dis t'es Koé et tout. Ouais. Bah alors, tu sais qui on est? Mais oui, tu viens de me dire que t'es Koé. Et bah alors, parce que ta soeur elle t'a mis dans la confidence. Mais t'as triché. T'as pas besoin de te défendre, c'est cramé c'est déjà. Mort, c'est cramé. Arrête, ça fait lourd là. On le sait. Et surtout que Robin, je comprends rien ce que vous dites là. Ah, tu sais quoi? Reste digne, dis au revoir et raccroche. Au revoir. À vous le Tom. Il va raccrocher là. Tom. Il va raccrocher. On le sent, nous. On les sent comme ça. On a un nez pour ça. On a un détecteur. Serait-ce Martin Garrix? Oui, cette fois-ci, c'est bon. On est sur Énergie. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle soirée. À 22h, je vous annonce une info de ouf. Et avant, il y aura LP. Vous allez kiffer le titre en live. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name? We could bathe in all the lights. Would you rise up? Come and meet me in the sky. Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will. Vous direz tout ce que vous pensez, mais aujourd'hui c'est le hashtag t'es une connasse quand on a commencé. Donc qu'est-ce qu'on a qui se balade sur Twitter? J'ai vu t'es une connasse quand tu mets un râteau en disant on reste amis. Ouais, ça marche. T'es une connasse quand tu veux pas sortir l'hiver sans ta Canada Goose à 1000 euros. Ouais. Bon, enfin, ceci dit, quand t'en as une, autant la mettre. Hein. Oui. Ah, si les parents t'en ont offert une, autant la mettre. T'es une connasse quand dans ton téléphone il y a que des selfies de toi. Ouais. T'es une connasse quand t'écoutes autre chose que Koé. Ah oui. Ah, bien. T'es ça. Une connasse quand tu préfères les bad boys. Ça c'est vrai aussi. Et un dernier. T'es une connasse quand tu mâches ton chewing-gum la bouche ouverte. Avant qu'on ait un petit peu de pub et qu'on ait du monde au téléphone, Pietre, peut-on revenir s'il te plaît sur cette série de photos sur laquelle nous sommes tombés? Alors là vous ne rêvez pas, donc nous avons des photos de Pietre. Regardez-moi ça. Donc collection La Redoute. Elles sont charmées les photos pour le coup. Elles sont belles les photos. Oui. Alors ouais, elles sont belles. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'est passé par la tête, Pietre? Bah il est beau. C'est pour le cinéma en fait. J'ai tourné un film avec Mark Wahlberg aux États-Unis. Mark Wahlberg. Mais non, mais en fait c'était au salon Salon du prêt-à-porter. Et voilà, ils avaient cherché des gens pour Des beaux gosses, quoi. Chercher des beaux gosses pour faire des shootings. Et comme je connais quelqu'un là-bas, ils m'ont demandé. Je l'ai fait. Ça va. Le truc, c'est qu'à chaque fois le mec voulait que je sois sérieux. Donc c'est là où c'est un peu bon. Ça me ressemble pas tant que ça. Mais elles sont mortelles les photos, n'empêche. T'es jaloux parce que t'en as pas fait. Non. Hashtag t'es une connasse quand tu. Ouais, t'es une connasse quand tu fais toi. T'es jaloux parce que t'en as pas fait. Moi, je vais le tweeter tout de suite. Avec nous sur Énergie, on est de retour dans 2 minutes. Bougez pas, Mélanie. Ce sera à toi dans quelques secondes, Mélanie. D'accord. Ouais, pas de soucis. Et dans un instant, sujet plus sérieux, on parlera de la violence sur les réseaux sociaux. Bougez pas tout de suite. Envoyez vos SMS à Koé au 6112. Thank you. Code Koé au début du message. Si le micro il s'ouvre tout seul et que j'ai pas le temps, tout à l'heure il y aura qui, Julie? LP. Dans quelques jours, Kent Jones. Et là, il y a Mélanie. Comment ça va, Mélanie? Ça va bien, et vous? Est-ce que t'es en forme, Mélanie? Mélanie vous a envoyé un mail, c'est joli. Elle dit, je suis une fervente auditrice. Fervente. On l'utilise, fervente, on le sait, ouais. On utilise rarement fervente. Ouais. Tu vois, c'est rare d'arriver au lycée en disant, écoutez, je suis une fervente élève de votre lycée. Ah, je crois que c'était un truc contre le rhume ou la grippe. Ah, c'est un vex, c'est ça. Ouais. Auditrice de l'émission, et je tiens à vous remercier pour la joie et le bonheur de vous écouter chaque jour. Merci, ma chérie. Si j'écris aujourd'hui, c'est pour vous faire part d'un sujet déjà traité, mais qui aujourd'hui me met hors de moi. Ce matin, dans mon fil d'actualité Facebook, je suis tombé un peu par obligation sur une vidéo qui me met hors de moi. Hop, comique de répétition, deux fois hors de moi. On y voit une petite fille se faire battre à coups de manche à balai. Ah bon? Ouais. Il y a eu ça. Et il y a des vidéos terribles, ouais. Hein, pour le coup. Hein. Ah bon? Là, et pour éviter que cette vidéo ne circule encore plus, je le signale. En objet, je vous fais parvenir la réponse de Facebook. On l'a, la réponse de Facebook? Non, non, je ne l'ai pas fait parvenir. Et c'est quoi la réponse de Facebook? Alors, la première réponse de Facebook, quand je l'ai signalée, c'était que ça ne rentrait pas dans... C'était pas une vidéo qui allait à l'encontre de leur charte de violence ou de... Mais non, c'est qu'une petite fille, voilà, c'est qu'un manche à balai, enfin, ça n'a rien de... Voilà. On voit pendant 5-10 minutes, au début ça commence par des gifles, donc une petite fille qui doit avoir 8 ans. Mais vous êtes sérieux, c'est quoi cette vidéo? Ah ouais, non mais il y en a des pires. Hein. Et il fait quoi Zuckerberg là, par contre, et ses milliards? Bah il compte, s'occuper de ça, non? Il y en a plein des vidéos qui tournent comme ça. Pourtant Facebook, moi j'ai jamais vu passer de trucs comme sur ça. Sur les animaux aussi, hein, t'en as des milliers. Hein. Ouais. Les mecs ils se sont fait arrêter parce qu'ils avaient dit brûler les chiens, mais poster la vidéo, c'est comme ça qu'ils se sont fait avoir. Mmh. Mais parce que le délire de tous ces mecs, on en reparlera dans un instant, c'est qu'ils ne sont pas éditeurs de contenu. Alors ça vous parle pas, mais nous par exemple aujourd'hui, là demain, on fait une connerie sur énergie, on est responsable, et énergie, bon, je suis responsable de grand chose, mais énergie peut l'être aussi. Tout ce qui est YouTube, Facebook, machin, disent nous, on n'est qu'un tuyau. Ce qu'il y a dedans, c'est pas nous. C'est pour ça que des fois vous voyez sur Twitter des trucs racistes, des trucs antisémites. Et quand les associations, alors les mecs l'enlèvent, mais il faut que les associations, et ça passe, et ça prend des jours et des jours. Mais si vous pouvez tout mettre un truc pédophile, raciste, antisémite sur Twitter, les mecs diront, ah non, nous on n'est pas responsable, nous on est qu'un tuyau, on est la poste, on sait pas ce qu'il y a dans les enveloppes. C'est leur délire. Et donc ils passent à côté de ça à chaque fois parce que leurs statuts sont faits de telle sorte qu'à chaque fois qu'ils ont été attaqués, ils ont dit, ah non, nous c'est pas nous, on va peut-être l'enlever hein, si vraiment vous nous demandez. Mais on en parlera dans un instant, bouge pas, ça va être le débat sérieux du soir. 21 Pilot, mais t'as raison, mais il y a des trucs qui me rendent fou. Ah non, c'est... On en parle juste après. Attention! Oui, Julie, garde-le le coq qui fait ça. Garde-le, après nage, peut-être double. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't fall. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. l'impression d'être à une cousinade. T'es content d'être avec eux, tu te confies, tu te marres. Mais t'es bien content que ça se passe pas chez toi tellement c'est le bordel. Coué, 19h-22h sur Énergie. Bienvenue en arrive chez vous, hashtag Coué, range ta chambre, hashtag le toc toc toc. On vous amènera une star aussi chez vous à la maison. Mais là on était en train de parler avec Mélanie, t'es toujours la même Mélanie? Oui, qui nous parlait de la vidéo choquante qui est passée sur YouTube, sur Facebook, où on voyait une jeune fille qui se faisait battre à coups de manche à balai. Et tu nous disais dans ton mail, tu dis le problème c'est qu'on voit un bout de sein, on se fait enlever la photo ou la vidéo, voire supprimer le compte, mais ça, ça reste. Bah c'est ça. C'est vrai que là-dessus, ils ont le sale côté puritain des États-Unis, qui est le côté on peut montrer des trucs trash, mais si on voit un bout de téton, on coupe. Je sais pas ce qu'ils ont aux États-Unis avec le téton. Ouais. C'est vraiment, la nana, elle peut montrer tous ses seins, elle peut avoir des seins, mais il faut qu'elle cache le bout du téton. Ouais. Si le bout du téton n'est pas caché, alors là, c'est un scandale. C'est un scandale. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont avec ça? Ils sont cinglés ou quoi? Mais c'est pareil, ils montraient qu'aux États-Unis, dans les films, les draps, quand ils te montrent toujours d'un couple dans un lit aux États-Unis, ils sont obligés de couper les draps parce que t'as toujours le mec qui est torse nu et la meuf, elle a toujours le drap juste au-dessus du téton. Et elle a un soutien-gorge et elle dort dans tous les films, tu verras les meufs avec leur soutien-gorge. Et du coup, ils te montraient que des fois, pour les films, ils te montraient les draps de lit de cinéma, ouais. Ils sont coupés. Mais oui, mais t'as déjà vu tous les films, tu trouveras, à part quelques films type les qui sont déjà pour adultes, ouais. Mais tous les films ou les séries, la nana, elle dort avec son soutien-gorge. Ouais, ouais. Ouais. Mais dans la vraie vie, personne baise avec son soutien-gorge. Oui, alors c'est que t'as bon. Des seins immondes et que t'as peur de. Mais sinon, t'enlèves toujours ton soutien-gorge pour dormir. Enfin, je sais pas, moi j'en veux plus depuis longtemps. Si. Mais les Ricains, ils bloquent mais sur le téton, dans, ils ont un truc. Dans le public, qu'est-ce que vous avez déjà vu sur Facebook par exemple qui vous a déjà choqué? Ce qui est affligeant, c'est que même si t'as pas envie de voir ces vidéos, elles passent devant toi. Donc t'es obligé de tomber dessus et de regarder. Je suis d'accord. On passe. Guillaume, trop musclé, t'attends quoi? Que le bras il pousse? Faut que tu te déplaces vers les gens. Choisis. Mais choisis-toi, mon poulet, enfin, pas moi qui vais te dire. Non, pas elle. Non, je déconne. Mademoiselle, je crois que le micro, il est pas allumé. Mais qu'est-ce que t'as déjà vu qui t'a choqué? Moi, c'était une vidéo sur Facebook. C'était, par exemple, un petit enfant attaché sur un poteau. Et c'est un monsieur qui arrêtait pas de le taper jusqu'à limite. Le petit enfant, il meurt. Et puis après, heureusement, il y avait la foule qui arrivait pour l'empêcher. Mais vous aviez vu le grand sport où les mecs s'amusaient à taper des clochards aux États-Unis? Ouais. Ils arrivaient, ils filmaient et blam, ils mettaient des branlées aux clochards. Et ça filme et ça fait des vues. À côté. Moi, c'était la photo du Bataclan avec tous les morts sur Twitter. Je l'ai vu passer. Oui, alors moi, je suis plus partagé là-dessus. Ah non. Je suis d'accord. Mais j'avoue, on n'avait pas envie de voir tous ces morts. Hein. Je suis d'accord. Même le flic qui s'est fait tuer, elle est passée. Vas-y, je suis. Dis. Oui, mais c'est énervant. C'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, il y a une différence entre de la violence, d'une violence qui est de filmer un gamin qui se fait battre et de la partager sur les réseaux sociaux comme si de rien n'était. Et une photo d'actualité. Parce que c'est une photo d'actualité. Twitter, regardez le mec. Non, mais c'est tout le monde. Regardez le mec qui se jette. On a vu la commémoration du 11 septembre. Ouais. Ils ont remontré le mec qu'ils appellent The Falling Man. C'est un gars qui saute. Et cette photo, elle est devenue célèbre. Ils savent pas qui c'est. Bon. Et on le voit sauter. Cette photo, elle est devenue très connue. Excusez-moi, elle est également choquante. Ouais. Puisque c'est un type qui se jette et qui se dit, je veux pas mourir brûlé, je vais mourir en sautant. Mais pourtant, c'est une photo d'actu. C'est-à-dire que c'est, je puis comprendre que ça vous choque, mais c'est voir la réalité. C'est comme les photos de guerre. Moi, j'ai été comme vous quand j'ai vu les corps du Bataclan, cette photo. D'abord, j'ai cru que c'était un fake. Et après, alors, évidemment que ça m'a choqué, mais ça fait partie de vous voyez ce qu'on vous a raconté. Oui, mais on n'a pas forcément envie de voir ça. C'est là où t'as raison. C'est qu'on n'a pas forcément envie de la voir. Après, si elle existe, voilà. Oui, mais qu'ils la mettent sur un site où tous les gens qui veulent la voir, ils vont. Ouais, mais c'est malsain. Voilà. Mais Twitter, il y a beaucoup de, c'est des ados sur Twitter, beaucoup. Ouais, mais Twitter, à la base, faut pas oublier que c'est un truc d'actualité directe, justement. Twitter a été créé pour ça, pour pouvoir avoir les infos avant même qu'elles arrivent déformées par les journalistes. Il y a toujours ce débat quand, par exemple, il y a des guerres et on voit un caméraman qui filme un mec en train de mourir. Ouais. Tout le monde va se dire, ouais, mais enfin, plutôt que de filmer, il pourrait l'aider. Ouais. Oui, et d'un autre côté, le caméraman est là pour prendre une photo instantanée d'un truc qu'on reverra peut-être dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. Oui, mais Julie, tu oublies un truc. Ça m'énerve aussi. T'as 3 personnes qui sont devant toi qui ont besoin d'aide et le gars, il est en train de filmer, va les aider. La nature humaine est tellement conne que pour beaucoup de gens, tant qu'ils ne l'ont pas vu, ça n'existe pas. Le petit gamin qui est mort, le petit gamin réfugié syrien, et tant que les gens n'ont pas vu un enfant noyé sur une plage, on leur disait tous les jours, il y a 500 morts qui se noient, ils en avaient rien à foutre. Ils continuaient de tremper leurs tartines. Ils ont vu un enfant alors qu'il y a 400 corps qui flottent à côté. Ils ont vu un enfant et les gens se sont dit oh, allons accueillir tous les migrants, on n'avait pas vu, on n'avait pas fait attention. Si, tous les jours on vous le dit qu'il y a des morts, mais vous vous en branlez. Il y a juste, il a fallu que vous voyiez un enfant pour dire mon Dieu, ça existe vraiment. Et moi je pense que les photos, elles ont, elles doivent exister, parce que c'est des fois ce qui fait prendre conscience à des gens qui ne s'en rendent pas compte. Et ça peut vous choquer. Et ben vous savez, c'est comme les pubs pour la prévention routière. S'il y a une pub des fois qui vous choque, et ben le fait d'être choqué, vous penserez peut-être à mettre votre ceinture et à rouler à 90 parce qu'elle vous aura choqué. Il y a rien de pire que de vous faire un truc gnangnan, parce que le truc gnangnan vous le retenez pas. Il y a 12 000 infos qui circulent. Il faut dissocier, ces photos là, ces vidéos là, avec les vidéos des mecs qui brûlent des chats ou qui balancent des chats par la fenêtre. Même les vidéos de décapitation qu'on a tous vues, c'est ça. Excusez-moi, mais ça ne sert à rien, parce que quelqu'un qui se fait couper la tête, on sait tous à quoi ça va ressembler. Donc ça, c'est un côté vicelard de dire je vois le mec se faire décapiter. Alors que la photo d'un crime ou la photo d'un attentat, bah c'est une photo d'actu, elle va vous choquer, mais au moins voilà, après c'est vrai que là où t'as raison Julie, c'est que vous choisissez pas, ça passe dans le fil d'actu. Une photo, un truc derrière qui vous a choqué. C'est une fille qui se fait taper par un coup de ceinture en fait. Sur Facebook. Ah merde, elle est passée cette vidéo, je croyais ne pas l'avoir postée. On reconnaît Julie ou pas? On reconnaît pas Julie. Non, c'était 50 nuances degrés. Ah oui, c'était ça, on n'aurait pas dû la mettre. À côté, un dernier jeune homme, et puis après on a fini, parce qu'il y en a plein qui choquent. La femme qui s'est suicidée sur Periscope. Ça, c'est l'exemple typique du truc qu'on ne peut pas arrêter, puisque c'est censé être de la vidéo en live. C'est en live, ouais. Mais t'as raison. Sauf que le concept du truc, c'est de se filmer en live. Donc à partir du moment où tu te filmes en live et tu dis je vais me suicider en live, il n'y a pas de contrôle. Que tu dises bonjour, que tu filmes ton chat ou que tu te suicides, ce qui était hallucinant, c'était les commentaires qui passaient derrière. Ce qu'il y avait derrière. Qui disaient elle est où cette connasse, j'espère qu'elle s'est foutue en l'air. De gars qui ou sont très cons ou n'ont pas compris, parce que quand même tous ces réseaux, t'as quand même une tripotée de gens qui n'ont pas de vie, mais qu'on rien qui sont faire, incapables de non mais c'est surtout qu'ils sont incapables de s'assumer dans leur vie, et dès qu'ils sont derrière le clavier, il y a une espèce de violence qui se déchaîne contre tout. Ils pensent alors que ça leur donne la contenance. Ouais, alors qu'ils sont peut-être certainement pas comme ça dans la vie, et j'espère. Mais Mélanie, voilà, on pourrait en parler des heures de cette histoire. Mais je sais, mais après le souci c'est aussi les gens qui partagent et les gens qui mettent des commentaires. C'est vrai, enfin, qu'il y a plein de gens qui partagent. Limite c'était normal, c'était dans la culture, parce que c'était voilà, c'était ça devait se passer dans la vie du sud-est, donc c'est pareil. Cette vidéo, c'est même quand la partager, ça sert même pas à retrouver la personne, parce que clairement c'était pris avec un téléphone avec une tellement mauvaise résolution qu'on reconnaissait pas les personnes, que sûrement c'était fait voilà dans un pays où de toute façon là-bas ils s'en foutent complètement des droits des enfants, et que c'était juste du voyeurisme, et que tout le monde partage, et que personne n'arrête pas. Vous l'aviez pas vu cette vidéo? Moi j'avais vu, elle m'avait, mais c'est horrible, parce que c'était en Thaïlande je crois, ou dans un autre pays d'Asie, un gamin qui se fait renverser par une bagnole. Eh ben, pendant 20 minutes, les gens passent à côté. Mais non. Les gens passent à côté. Il faut qu'il y ait un moment, quelqu'un qui le prenne et qui, pendant 20 minutes, tout le monde s'en fout. Il a 6 ans, il est ramassé par terre, il s'est fait shooter par une bagnole. Il est pas mort, je crois, le petit, Mais tout le monde s'en fout. Tout le monde passe à côté. Tu vois les gens qui passent, c'est une caméra de rue, qui filme, C'est pas une caméra, c'est pas au caméscope. Tout le monde s'en fout. Mais les gens s'en foutent de tout. Mais des vidéos choquantes comme ça, t'en as partout. T'as eu des trucs dans les certains pays Moyen-Orient où ils lancent des cailloux, les lapidations qui ont été filmées, voilà. Ouais, qu'est-ce que je te disais? Sauf que moi, ce qui me rend dingue, c'est quand il y a la photo de commémoration, là, où on voit la petite fille qui a été brûlée au napalm, c'est de la photo qui date de la guerre du Vietnam, où c'est une petite fille qui a 11 ans qui court nue brûlée au napalm, et ben, Facebook, elle l'a interdit cette vidéo, cette photo. Et tous les gens qui mettaient cette photo, on leur faisait supprimer leur compte parce qu'ils considéraient qu'elle était dérangeante. Alors que c'est une des photos les plus célèbres de la guerre du Vietnam. Mais Facebook considérait qu'il y avait une petite fille nue. Et par contre, les vidéos, ils voyaient le téton. Et ils ont été obligés de la remettre, Ils ont été obligés de revenir en arrière en disant on a peut-être fait une connerie. Mais qu'est-ce que je te dis? Donc voilà. Et on peut rien faire contre ça du coup, alors. Rien, qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis rien contre Facebook, tu te tais, puis c'est tout. Contre Twitter, tu fais rien. Si on peut signaler la vidéo, non. Signale rien. Nous, ils nous ont fait retirer une photo de Jeff. Excusez-moi, je m'en souviendrai toujours. Une photo de Jeff avec le maillot de bain de Borat. On voyait ni un téton ni une couille. Bon, il avait l'air con, mais si on enlève toutes les photos des gens qui ont l'air con sur Facebook, il n'y a plus grand chose. Ils nous ont fait retirer celle-là. Et si vous la retirez pas, on vous coupe le compte. Putain, mais elle avait quoi de choquante cette photo? Elle était marrante, quoi. Elle était ridicule. Oui, j'étais plus choqué en voyant un Fida Turner avec le même maillot de bain. Et elle y est encore. Bon, je te fais un gros bisou, Mélanie. Mais c'est vrai qu'on pourra en parler pendant des heures de ça. Je t'embrasse, ma belle. À bientôt. Gros bisous. Reste avec nous sur Énergie. 22h, je vous annonce une bonne nouvelle qui va vous faire plaisir. Toi, l'étudiant. Tiens, puisqu'on en est sur les photos choquantes, nous avons donc la photo de Mika sans filtre qui circule. Ah, oui. Dégueulasse. Mika Rédumasson, Mickey Gronet, Mickey Lanzou, Mika avec la calvitie, et Mika, c'est pas beau, quoi. Voilà. Que faire de tout ce qu'ils disent? Le guide a changé. On entend le bruit de ta caisse quand tu passes au quartier. Tu comprends? poils, je crois quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigadier Sabali. Pousse-toi de la lance, puis passe par ici. C'est plus de Nîmes, Aziz, la malice. Ça casse le piton, ça profite de la manif. Les petites grimes à l'épuissance. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie, des ennuis. Protège bien tes arrières. Regarde dans mes yeux, ce n'est pas la joie. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Ouais, ouais, ça va de soi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir, croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout battait, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer de s'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le number one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, du tout les gens. Checker le bahut avec quelqu'un du public cette fois-ci. Oui. Attention, où est cette demoiselle? Passez le micro, bonjour jolie jeune fille, comment vous appelez-vous? Déborah, tiens, viens à côté de nous, Déborah, viens autour de la table. Viens là, tu seras mieux avec nous. Viens. Tu n'as pas le même décolleté que la demoiselle là. Ah, dès que je me retourne vers le public, je peux pas regarder autre chose que ça. Donc c'est bien qu'il y a des soirées ici. C'est fou. Ça va, assieds-toi là. Tu es dans quelle ville? Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voyez, oula? Elle est impressionnée. Je suis de Gonesse. Tu sais ce que c'est, le oula? Tu sais ce que c'est, le oula? Le oula, non? Tu connais pas? C'est un oiseau. Oui. Ah bon? C'est un petit oiseau. Ah. Tu connaissais pas? Non, je connais le oula. Non, le oula. Le oula. C'est un petit oiseau, tout petit, mais qui a des énormes couilles. Ouais. Ce qui fait que quand il se pose, il fait oula, oula. Bien. Allez, on y va. Donc, quel lycée, comment s'appelle? Alors, mon lycée. C'est le lycée René Cassin de Gonesse. René Cassin. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, René Cassin? Bah, j'étais Cassin. Vas-y, qu'est-ce qu'il a fait, René Cassin? Guette, vite. Regarde, qu'on fasse comme genre, on était au courant, on le savait. René Cassin, il est né en 1967. Juriste, diplomate, homme politique français. Ah bah oui, homme politique français. Membre du gouvernement de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, madame, tu le sauras pour la prochaine fois. Bon, alors, vous êtes classé combien? 1465 sur 2002 et vous êtes 30e sur 45. Oh, c'est pas terrible tout ça. Et en plus, elle a un coup de gueule à passer. Pourquoi? Alors en fait le problème c'est que donc depuis la rentrée nous avons fait que 2 jours de cours. Bénard. Alors tous au lycée René Cassin pour tous les branleurs de Paris. Ouais. René Cassin. Non. Et en fin de compte c'est parce qu'en fait dans les classes de MSTMG. Et en fin de compte dans cette classe il y a maintenant 36 élèves. Et c'est peu, on peut encore en mettre 4, ça fera 40. Non, c'est beaucoup trop. Mais non, c'est beaucoup trop pour concernant les professeurs. Ça, la touche que tu viens de toucher, ça s'appelle pas cette touche-là, connasse. C'est grâce à tout. Je t'ai mis un mot, je t'ai dit pas touche celle-là. tu vois, tu touches. Tu vois, c'est fou, comme les gamins, hein. Tu dis pas touche. Ah, ça brûle. Elle le fait. Malgré ma touche. Vas-y, donc, pardon. Non, c'est pas grave. Et en fin de compte, que ça soit pour les professeurs, pour les élèves ou même pour n'importe qui d'autre, c'est vraiment très galère de voir. Bosser à 36. Voilà. Ouais, mais alors, mon petit chat, nous on a eu des auditrices depuis le début, elles sont des fois 40 par classe, hein, ouais, dans certains lycées. C'est possible, ça dépend, mais c'est vrai que nous ici, c'est pas possible. Et donc en fin de compte, à Gonesse, c'est pas possible. Parce que à Gonesse, c'est pas possible. Non, parce que. Attention, on lève la main dans le public là, attention, il se passe encore quelque chose. Que se passe-t-il? Oui. Non, mais tu veux que je. Vas-y. Oui, je veux que tu parles mal. Je m'excuse. Excusez-moi, elle peut fermer sa gueule, s'il vous plaît. Je vais prendre le relais. Je suis la déléguée syndicale. Je vais donc parler à sa place. Vas-y, explique en deux secondes qu'est-ce qui se passe. Je suis désolée. Non, mais. Désolée, mais ferme ta gueule. C'est ce que je veux dire. Mais non, elle est stressée. Vas-y. Non, mais c'est juste qu'en fait, on est en banlieue, dans le 95. Donc, c'est quand même un département assez chaud, on va dire. Voilà. On n'est pas dans le 16e, donc 36 par classe, c'est impossible. Vraiment. C'est le bordel. Voilà, non, mais clairement, c'est vraiment ça, c'est horrible. On peut pas. On va. Tu peux pas suivre un cours, quoi. On peut pas suivre. Non, mais parce que t'es en train de dire que dans ton lycée, c'est le bordel, quoi. Mais c'est le bordel, vraiment, clairement. C'est rempli de branleurs qui ont pas envie de bosser. Non, non, pas du tout, je dis pas ça du tout. Mais c'est juste que les classes, notamment des STMJ, ont besoin de. Peut-être plus d'attention vu De toute façon, généralement, les classes de STMG, généralement, non, c'est quand t'as pas réussi ou pas, on te fout en STMG. Non, là, il faut rappeler que c'est STMG. C'est quoi STMG? C'était nous, les G3 et compagnie. C'est gestion. C'est les Loris. Oui, non, mais je suis pas du tout en train de. Bah, Loris, il a fait STMG, je te rappelle. Oui, mais moi aussi, c'était le truc des branleurs. Pas du tout. Un petit peu quand même. Quand t'avais pas le niveau pour aller en lettres ou en maths, on te balançait en STMG. Mais tout le monde peut pas aller en lettres ou en maths, il y en a qui veulent faire ça. Mais écho, généralement, s'ils ne font pas lettres ou en écho. Enfin, cette demoiselle. Et donc, elle dit que 36, c'est trop. C'est pas du tout ce que j'étais en train de dire. La STMG est très bien, c'est pas du tout une chute. Oui, mais ils ont besoin de place. Non, mais ils c'est pour ça que ça, c'est qu'il y a plus de bordel dans ces cours-là. Mais oui, t'es Il y a toi, plus toi. De bordel dans ces cours-là que dans les autres classes. T'as quitté l'école, on était encore en franc, alors ferme ta gueule. J'essaye de l'aider. Non, c'est ça. Elle l'aide pas, c'est pas ce qu'elle veut dire. Bah, incroyable. Excuse-le, vas-y. C'est juste qu'ils ont besoin donc du coup d'avoir plus d'heures dédoublées, de pouvoir suivre des cours en demi-groupe parce qu'ils travaillent beaucoup sur les ordinateurs, donc ils ont besoin d'avoir d'avoir des ordinateurs et tout ça, et c'est impossible en classe entière, donc ça fait qu'ils ont du mal à travailler et que le programme ne pourra pas être bouclé si les classes restent comme ça. Ah mais il n'y a pas de solution. Eh bien si, parce que les lycées aux alentours du nôtre ont réussi à avoir des classes bouclées à 30, et nous notre lycée ça bloque, ils veulent pas, ça fait 2 semaines que les professeurs sont en grève, que nous aussi. Ah. Ah ouais, je fasse un truc syndical en fait, vous voulez. Moi, à la base, c'est une connerie, mais vous voulez que j'arrive avec mais un truc. Il n'y a pas des groupes qui sont faits pour ça normalement, des groupes de travail où ils divisent la classe en deux ou en trois. On voulait créer une demi-classe parce qu'une classe entière, c'est sûr et certain, on ne pouvait pas. Et on a voulu créer une demi-classe, mais personne n'accepte cette proposition. Avec des demi-profs. Avec des demi-profs, c'est des petits. Bah, on va checker le bahut, voir ce qu'on peut faire. On va checker le bahut. C'est, il a pas le label il aura le label moitié. Pour l'instant, et puis on va laisser à la fin, on leur dira ce qu'ils peuvent être moins de 36 par classe. C'est la question. Ou il faut en virer au hasard. Ouais. Et toi, tu rentres plus. Faut mettre un vigile, un videur devant. Non, toi, tu rentres pas. Il y a combien de classes de 36? Il y en a beaucoup? Oui, il y a que la vôtre? Non, les autres? Allez, j'appelle le lycée. On avait des classes. Bienvenue au lycée René Cassin. Attends. Veuillez patienter quelques instants, nous allons donner suite à votre appel. C'est une super musique en tout cas. STMG, ça. Ouais. C'est un groupe? Ouais. C'est un boys band. Je suis S comme ça. René Cassin, bonsoir. Oui, bonjour monsieur, c'est monsieur Coé à l'appareil, on est sur Énergie, comment ça va? Bah écoutez, pas trop mal. Ça va bien, vous savez, bienvenue dans le Check ton bahut. Ouais. Puisque maintenant nous avons décidé d'appeler des lycées de France pour leur donner le label qualité Coé. D'accord. Ah, c'est important, hein. Attention, c'est important. Ça va vous déjà? Très bien, très bien. Bon, alors, première question, est-ce que vous avez une option cinéma dans le lycée? Non, il n'y a pas d'option cinéma dans le lycée René Cassin à Gonesse. Très bien, deuxième question, est-ce qu'il y a du rab à la cantine si on s'y prend à l'heure? Ah bien sûr. Très bien ça, c'est très bien. J'en mets 2 points pour ça. Ouais. Est-ce que vos chaises de classe sont assez confort ou elles font mal aux fesses? Non, elles sont confortables. Vous êtes sûr? Ah oui. On me confirme que oui. Très bien. Que les élèves soient bien assise. Ouais, c'est important, c'est important. Je rajoute deux points. Est-ce qu'on peut se barrer si au bout de 15 minutes, le prof n'est pas arrivé en classe? Bon, on se tient pas les élèves, oui, bien sûr. Oh ouais, oh. Bien, ah ouais, ça marche vraiment. Ça aurait été la légende. Bah ouais. Là, visiblement, ça marche. Si le prof est pas là, il est pas là. Et la dernière question, est-ce qu'ils peuvent être moins de 36 en classe de STMG? Très bien, oui. Ah, mais même lui, il est d'accord. Même lui, il est d'accord. Tout bah alors, est d'accord. Pourquoi bah, personne prend la décision? Parce que là, on a des élèves à vous dans notre studio. Ils arrêtent pas de nous parler de ça. Ils disent on est trop nombreux. Bon là, ils osent plus vous parler parce qu'ils ont peur de la première place. Mais ils sont tous en train de dire ouais, on a envie. On est avec 36, c'est beaucoup trop. On a besoin d'attention parce qu'on aime notre lycée. Hein, tu l'as dit. Mais oui. Voilà. Tu as pas dit fort. Et donc, alors, est-ce qu'il va y avoir quelque chose pour qu'il y en ait moins de 36? Bah, à mon avis, les professeurs font en sorte que ça se concrétise, bien sûr. Et alors, vous attendez quoi? Ouais. La concrétisation? Moi, je vais pas au standard, je pourrais pas vous dire ce qu'on attend, mais les professeurs attendent. D'accord. Tout le monde attend? C'est pas de pour. Ah ouais, tout le monde est dans le bon sens alors. Bon, bah, ça va arriver. Moi, je pense bien qu'il y a plein de classes dans la France entière qui sont dans ce cas-là. Hein, il y a plein de messages qui passent. Bon, en tout cas, moi, je vous mets le label qualité Coé. Bon, vous êtes un peu nombreux en classe, mais pour le reste, je vous mets le label qualité Coé. Les surveillantes sont jolies? Très joli. Bon, je vous mets un double label qualité. Voilà, c'est très important. Je vous embrasse, monsieur. Bonne journée, à bientôt et embrassez tout le monde au lycée. D'accord? À bientôt. Merci. Ils sont sympas en tout cas, le gardien. Ouais, ils sont sympas en tout cas. Lui, il va pas pouvoir aider grand chose. Non, enfin, c'est pas lui qui va changer le truc. Non, lui, il est d'accord. Il est d'accord avec vous déjà. En tout cas, vous avez fait passer votre message. Bravo les filles, c'est bien, on vous embrasse. Oui. Aussi, j'aimerais donner une information, c'est que sur Facebook, nous avons créé. Un groupe de soutien? Tout à fait. Lycée Lutte, Cassin en Lutte. Et donc. Cassin en Lutte? Cassin en Lutte. Ah, vous avez été fort quand même, hein. Ça fait genre Cassin en Lutte. Faire, les filles, là. Oui, non, on veut bien informer tout le monde. Si tout le monde pouvait nous aider, nous soutenir, franchement, ça serait. Cassin en Lutte. Cassin en Lutte. Mais attends, allez. Moi je trouve ça bien et positif que des filles qui sont au lycée arrivent à chaque fois dans les manifestations. T'as toujours des tas de branleurs qui sont en manifestation parce qu'ils n'ont pas envie d'aller à l'école. C'est mais ça. C'est vrai. Ouais, ouais. T'en as plein, tu les vois deux mois de l'examen, ils disent pourquoi t'es dans la rue? Parce que. Loi du travail, connerie, meuf. J'ai pas compris. Pourquoi je suis là? Voilà, il y en a plein qui profitent du truc. Et vous avez envie de travailler? Je trouve ça vachement bien. Oui, Guiguette. C'est drôle, je vois une affiche qu'ils ont fait classe surchargée, élève sacrifié, mais ils ont oublié le R à surcharger et l'ont rajouté en tout petit. Bah oui, c'est une classe surchargée. Ah bah c'est la classe surchargée, bah c'est tout. Voilà. C'est tellement surchargée qu'il n'y a plus de place pour le R. Voilà. A bientôt les filles. Gros bisous. D'accord, merci beaucoup, c'est gentil. Allez, amusez-vous bien, on embrasse tout le lycée. La suite de nos conneries dans deux minutes, à tout de suite. Ah, ça va être chaud. Envoyez vos SMS à Coé au 6112. Thank you. Code Coé au début du message. Écoutez, c'était ce matin sur Énergie dans le Réveil du Roi. Il paraît que tu peux faire des détartrages à domicile aussi, oui. à la maison. Tu gargarises du vinaigre avec du citron. Il paraît que ça fonctionne. Tu fais ça plusieurs jours sur la semaine. Après 5 jours, ton détartrage est fait. Mais moi, c'est ce que je fais. Je mange tout le temps du citron. En même temps, je frotte contre mes dents. Et je te jure que ça fait un détartrage. Hein. Olivier et Bérénice sont de retour dans le Réveil du Roi demain. Demain, 6h-10h sur Énergie. Dans un monde qui change, vos achats online ne vont pas attendre la carte de... Papa, je peux prendre ta carte? Mais dans tes rêves, ma chérie. Vous avez entre 18 et 28 ans? Découvrez notre offre Hello for You gratuite avec une carte prépayée pour vos achats online. Plus d'infos sur notre site ou dans l'agence la plus proche. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Vos stars énergie préférées sont toutes sur la scène du Energy Music Tour. La plus grande tournée musicale européenne s'arrête pour la première fois à Marche-en-Famène. Sur scène, Amir, Delta, Slimane, Boosty, Frérot de la Vega, I Need, Alex Jermis, Le Binôme, Julian Peretta, Sound of Legend, Feder et Tal. Le Energy Music Tour au WEX, présenté par Marco. Le 23 septembre à Marche-en-Famène avec Planète Parfum. Un événement Energy. It's music only. yeah, yeah. Mon la la, yeah, yeah. Bitch better have my money. Y'all should know me well enough. Bitch better have my money. Play down, call me on my blood. Pay me what you want me. Ballin' bigger than LeBron. Bitch, give me your money. Who y'all think y'all frontin' on? Like blah, blah, blah. Louis 13 and it's all on me. Nigga, you just bought a shot. Kamikaze, if you think that you gon' knock me off the top. Shit, your wife in the backseat of my brand new foreign car. Don't act like you forgot. La suite, ça va Prisca? Ça va et toi? Ouais, elle nous a envoyé un mail. Prisca, j'ai des choses à dire à mon futur mari. Voilà. Qui s'appelle Pietre. Ah, comme le nôtre. Pardon? C'est vrai? Ça fait un moment que je suis plus passé au sud d'énergie, mais à chaque fois que j'y suis allé, j'y allais voir mon mari Pietre. Seulement dans une autre vie, je garde espoir. Je lis le mail. Tu t'es marié? Parce que Pietre était de mauvaise humeur. Ah. Ce qui fait qu'il m'avait l'air tellement inaccessible que j'osais même pas lui dire bonjour. Pourtant, j'avais grave des choses à lui dire, tu sais. Genre, déjà, de lui rappeler que ça fait plus de 5 ans que j'attends ma demande en mariage. Qu'on puisse enfin concevoir Pietro et Pietra. Je peux appeler la police? C'est plus sérieux, c'est moi qui sais. Est-ce que je peux passer à l'antenne pour lui dire que notre relation commence à devenir tendue à cause de ses humeurs? Ma patience a des limites. Je commence gentiment à avoir un penchant pour Loris. J'ai une question. Quelle relation? Lui, au moins, il sourit. Pietre a été mon number one pendant un moment. Prochaine fois que je viens, j'espère qu'il se rattrapera, parce que sinon dans mon cœur il aura disparu comme le groupe Tragédie. Blague nulle. Pas si mal que ça. T'as sa photo. Tu étais en train de me dire que Pietre il est passé devant toi alors que vous faisiez des photos genre en mode salut, au revoir. Mais même pas. Mais tu sais que j'ose même pas aller demander à faire une photo. C'est ça le pire. Mais c'est vrai qu'on me dit. Il paraît tellement inaccessible. C'est pas qu'il est inaccessible, c'est qu'il est dans le studio et puis quand tout le monde est dehors, il passe, il fait là. C'est complètement faux. Hein. Plein de photos. Mais ça dépend si je vois que tout le monde est occupé, machin et tout, que voilà. Mais c'est vrai qu'on me dit que de prime abord, des fois je suis un peu flippé, enfin je fais froid. Alors que pas du tout. Oui, tu rigoles. En même temps, tu pars à chaque fin d'émission, tu fais tes photos avec personne. Tu te barres à chaque fois. Mademoiselle, Jean Pesca. Mais il fait tellement froid, c'est abusé. Alors que c'est mon homme, je le sais au fond de moi, c'est l'homme de ma vie. Ah ouais? Tu le sens au fond de toi? Bah, pas encore. Oui. Des photos de la demoiselle. Mais t'es venu souvent? Vous êtes jolie forme, mademoiselle. Comment? Vous avez des seins énormes, mademoiselle. Ouais, il y a du blou-blou, là. Bah oui, c'est les seins que je maintiens en forme pour Pierre, alors qu'il ne me calcule même pas au studio. Comment on se maintient bien debout et tout, mais le mec, il ne calcule pas. Ils sont bien dodus. Comment t'as pas pu la calculer, elle est si jolie. Ce serait bien ton baccarie à l'intérieur. Le baccarie. Mais comment on maintient des seins en forme, juste pour savoir? Mais c'est du sport. C'est du travail. Et je fais tout le temps pour mon homme. Mais le mec ne me calcule même pas. Mais c'est pas ton homme encore. Mais t'es venu combien de fois à la radio? Il va le devenir. Ah, il va le devenir. Psychopathe. Combien de fois t'es venu à la radio? Combien de fois tu es venu à la radio? Ah, combien de fois? Je suis venu 3 ou 4 fois, je crois. Ah, merde. Et tu t'es pas manifesté auprès de lui? J'arrive pas, je te jure, j'arrive pas. T'as pas envoyé un... Mais là, je vais le dire officiellement. Le 22 septembre, je compte venir. Ce sera le jour de mon anniversaire et ce sera le jour où tu vas me demander en mariage. Organiser ça. Mais organisons le mariage. Je ne te promets pas le mariage, mais un blou-blou si tu veux. Non, moi je veux pas le blou-blou, je veux la demande en mariage pour le blou-blou aussi. Tu vas un petit peu vite, toi, quand même, j'ai l'impression. Ouais. Oui, parce que tu ne connais pas du tout. Ça fait 5 ans que j'attends. T'as envie de sortir avec? Oui. Je le veux tout entier. D'ailleurs, je vais faire passer à tous ces, un message à tous ces plantus, hein. Pierre, il faut savoir que, à partir d'aujourd'hui, si vous recevez son visite sur Snapchat ou je sais pas quoi, c'est fini. Prisca, quand elle s'impose, elle s'impose pas à moitié. D'accord? Quitte à sortir là, là c'est la machette. Prisca, quand elle s'impose, elle s'impose. C'est mort avec elle, n'empêche. Hein. Elle te partagera pas, Prisca. Sur Snapchat, c'est mort, Pierre. Ah, ça veut dire que si on se marie au premier écart, tu me le coupes, le zizi, du coup, alors. Je m'impose pas à moitié. Viens pas le 22. Le 22, ce sera la demande en mariage. D'ailleurs, le 22, je viendrai m'installer chez toi. Ouais, mais Prisca, le 23, on va à la mairie. Le 24, on va à l'église. Elle rigole pas. Ah, mais je suis pas quelqu'un de sérieux, moi, tu sais. Et si c'est un mauvais coup? C'est pas grave, tu vas venir avec moi. C'est pas. Oui, elle a raison, Julie. Et si c'est un mauvais coup? Ah oui, comment tu feras? Ça s'apprend, tout ça, t'inquiète pas. Allez, ça s'apprend. Et s'il a un petit zizi? Ah, ça s'opère. T'as vu là, ça. Bah, il reste Boris. Ouais, c'est chaud. Mais t'inquiète pas, j'ai confiance. Ah, mais t'inquiète pas, il a pas un petit zizi. Hein. Oh, qu'est-ce que t'en sais, toi? Il a fait la bite qui fait. Je te trouve extrêmement bien renseigné, Julie. Oh, on est quand même partis en vacances plusieurs fois ensemble. Mais alors, quoi, il est bien dur. Je suis parti en vacances avec plein de gens, je connais pas leur bite. Hein. Julie, tu m'excuses. On rigolait ou quoi? On a vu tout le monde tout nu dans cette équipe. Pardon? À part toi. Mais on a vu tous les garçons nus. Non, c'est vrai. J'ai vu Jeff nu. Ouais. J'ai vu Gaget nu. Jamais. J'ai vu. Oh, oui. J'ai vu Mika nu. Non. Si. J'ai vu Steph nu. Ah ouais? J'ai vu tout le monde nu. Attends, les gars. Mais les filles, ça compte pas. Non, on a pas vu Steph nu. Hein. J'ai pas vu Loris nu. Hein? Donc t'as vu que Pietre, en fait? Non. Parce que t'es en train de me faire le tour de tout le monde et tout le monde te dit que non, donc t'as vu que Pietre. Pietre, il a fait la bite qui fume là il y a des années. Non. Si. Non. Arrêtez les gars, ça va. T'as du mal à te sortir de cette histoire. Oui, mais... T'es seule, j'ai justifié que t'as vu sa bite. Mais oui, j'ai vu sa bite, et alors? Oh bah, et alors, hein, c'est comme quelque chose mais de... Quand il a fait la bite qui fume il y a quelques années ici. Mais t'as fait, t'étais de dos, t'as pas vu. Mais n'importe quoi, il était avec Gaguette à côté même. On voyait rien, t'étais pas en forme, c'était. Non, c'était pas lui, c'était Jean Moule qui était à côté de lui. Où ils ont mis leurs cigarettes. Mais il est tout le temps à poil, arrêtez les gars. Quand? Jamais? Arrête! Il est tout le temps en place. Oh le malaise! Ça y est, allez! Bon, Prisca, on s'organise ça quand? Le 22? Je suis pas là! Le 22, ça sera le jour de mon anniversaire, tu seras là, Pierre, t'inquiète pas, tu me fais peur! J'ai peur, madame! Moi, je pense qu'elle me ferait flipper aussi, mais elle a l'air géniale! Quand t'es pas mariée, ouais, non, c'est ça! Je viendrai le 22 septembre, ça sera le jour de mon anniversaire! T'as pas de chérie? Hein? T'as pas de chérie? Ah, c'est des questions qui ne se posent pas, Corinne. Mais si tu te maries, tu peux pas te marier alors que t'as un chéri. Hein. Mais oui, donc. Non, mais pour Pierre, là, je quitte tout. Ah, bah, d'accord. Bon, allez, je quitte même ma Suisse, parce que j'habite en Suisse. Allez, embrasse tes 5, tu maintiens en forme, d'accord? Et bah, au 22, on se voit le 22. Je te fais un bisou et rendez-vous au 22, ma chérie, d'accord? Bisous. Bisous ma belle, grâce à nous vous allez rencontrer Shawn Mendes. C'est moi qui ai appuyé sur le mauvais bouton. Shawn Mendes. Non, ça fait Shawn. C'est pas bien. C'est pas joli. Mendes. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me? Stop time for you. The second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing. Baby, just to wake up with you would be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like recevoir cette demoiselle, vous n'avez pas pu passer à côté cet été. Yeah, you can't not have heard the song. C'est impossible. Moi, je fais partie des gens, je chante cette chanson sous la douche, mais tout le temps. Yeah, oui. He's one of those people who sings it under the shower. Je chante mal parce que je me lave. Because he does take showers. Really? Et, et je la chante, mais n'importe comment, parce que nous, les Français, on ne sait pas parler. Yeah, no, French people don't really speak English, so this is how he sings it. Vas-y, fais-nous ta version. Je suis à la douche, je You know what's really weird is that you oh mon Dieu, j'adore. You like an American DJ might say like I'm that douche that sings it in the shower. So it's kind of weird that like you're saying douche. Well, en fait, what you mean shower? Ah call oui, it, like, parce qu'en fait en anglais douche ça veut dire genre un con. Donc elle dirait un animateur américain, il dirait ouais c'est moi le con qui chante la chanson dans la douche. Mais toi t'as dit douche quoi. I'm the douche. J'ai compris le jeu de mots quoi. Man, non. Toi t'es le douche quoi. En fait. Non pas compris. Non j'ai pas compris. Non j'ai pas compris. Ça va Elsa Najjar? Ça va quoi? C'est bon ferme là maintenant. Alors on y va. Ça y est t'as eu ton moment star. Efficace. Ça y est t'as eu ton moment. Voici Elsa Najjar. Applaudissez Elsa Najjar. Merci sinon, voilà. Clou, ah, voilà. Merci. Oh là là. Ah bah elle est morte. Ah merde. Décédée je crois la pauvre. Elle est décédée. Is your head getting big? No, he says mine is. Oh, the head. No, not you. Like Kim Kardashian, the ass of Kim Kardashian. Oh, non, non, non. It's gonna shut down the internet now. Voilà, exactement. C'est un compliment alors, pour elle. LP, alors on peut dire quand même Laura, parce que c'est Laura. Can we say dire. Laura? Non. No. I prefer LP. Non, on m'a dit qu'il fallait pas l'appeler Laura. Oui. Alors je They told him, don't call him Laura, but he still had to ask. My name is Koé, but you can call me Sébastien. Sébastien, all right. Ah, you call me Sébastien, it's right, Koé. Bon, je suis très content de la recevoir. Very happy to have you here tonight. I'm very happy to be here. Bah, vraiment, content d'être là aussi. Vraiment. Et alors, j'ai appris, dans un instant, on va se faire cette chanson en live. Le public, vous allez kiffer parce que moi, j'ai entendu 2-3 moments de répète là pendant le titre juste avant. C'était très, ça a une, elle a la elle même voix. Elle a une voix de folie, hein. Ouais. Elle a la même voix, on va se la faire en acoustique et tout cette chanson. Dis-lui que je dis que des compliments. Yeah, he's just making a bunch of compliments, saying he heard you sound check and your voice is amazing, just like when we listen to the record. Very cool. So he's excited you're going to play for us in a few minutes. Very cool. Elle vient des États-Unis. Pour ceux qui savent pas, de Long Island, c'est ça? You're from Long Island, yes? Yeah, so a bunch of places in New York. It's like originating in Brooklyn and then most of my family is out. Ouais, un peu partout à New York. Yeah. À la base, Brooklyn, effectivement, elle a fini à Long Island. Ça en jette de dire je viens de Brooklyn. Ouais, j'avoue, cool to say I'm from Brooklyn. Yeah, well, yeah, I like that. Ah, I mean, you know, that's where the whole family cool. was for a long time. Ouais, bah c'est vrai, toute sa famille était là-bas. I come from Brooklyn. Moi, je viens de Marle-sur-Serre en Picardie. Ça fait moins bien. Marle-sur-Serre. That's where he's from. Elle a écrit, je savais pas, moi, qu'elle avait écrit. En préparant l'émission avec l'équipe, elle a écrit pour Rihanna, pour Christina Aguilera. Yeah, he didn't know you wrote for other artists such as Rihanna, Christina Aguilera. Yeah, I was on the major labels for like 3 years and I never put a record out. It was like a long, but I wrote so many songs. I never pictured myself becoming like a songwriter for other people. Ouais, elle aurait jamais cru écrire pour les autres, mais elle était sur un gros label pendant 3 ans sans jamais faire de chansons. Enfin, quand on a une voix pareille, quand on a une voix comme la tienne, on la laisse pas dans le tiroir. She says you can't leave it in the drawer. Thank you. Yeah, I mean, I think that's what happened. My managers from now, they were like, you know, we love that you write songs, we love that you're getting hits with other artists, but like, we think you should still be an artist. Ouais, c'est son manager lui a dit, c'est génial que t'écrives pour les autres et que ça marche, mais on pense que tu devrais en faire une pour toi. Mais du coup, est-ce que c'est Christina Aguilera qui lui a écrit celle-là ou pas? So did Christina Aguilera write this song for you? Or Rihanna? That would be amazing. C'est très drôle, ouais. Non, très drôle. Non, mais moi, je trouve qu'elle a une voix incroyable. On va se la faire, en live. Mais donc, tu es donc, on peut se le dire entre nous, puisqu'on est entre amis, on est d'accord. We're amongst friends here, right? Oh, of course. Bien sûr. Yes. Laura. You say yes, Sébastien. Ouais. Donc, tu es extrêmement riche. So you're very rich. Ah, non. Oh. Ça, c'est le nom mais qui je suis pas, mais je ne suis pas le trésor public. In the music business? Don't worry, he doesn't work for taxes. Yeah. Non, mais juste dans le milieu de la musique, non, on n'est jamais riche, elle dit. Juste au moins, tu peux payer ton café. Yeah, you can pay for your coffee. I can pay for my coffee. Ton café, oui. Bah, il a payé ton café. Yeah. Allez, café, oui. Allez, comme ça, quand même. Don't talk about money. Bonjour, j'écris pour Rita Ora, j'écris pour Christina Aguilera, mais je ne paierai pas mon café. I will not pay for my coffee, but I write for Rita Ora and Rihanna. Numéro 1 en Grèce depuis plus de 10 semaines, numéro 2 au Portugal. C'est con, en Grèce, elle est numéro 1, ils n'ont pas d'argent pour acheter les disques. Ah, ils ont plus mais numéro 4 en Italie, ça cartonne. Number 1 all over Europe. Voilà, crazy. Et c'est un truc viral qui se balade dans le monde entier. Ça veut dire quoi? On en est où au niveau d'album et de la suite? So what's going on with what's coming next? Is there an album? L'album est sorti there's a full juillet. Album coming. Non, next. Pas sorti. It's already for the most part done. Non. I just. Il y a un album qui est prêt, voilà. I just have to finish. Attention, je demande. Il y a LP. Ah, on a un mini album alors. Ouais. There's an LP and there's an album coming out. Yeah, there's an LP. Voilà. Un LP LP. Il y a un LP LP. Il y a un LP LP. It's called LP LP. Don't call me Laura. Ah. Voilà, ça l'est comme ça. Ah, c'est un LP LP. Ok, ouais. D'accord. Ok, très bien. Donc, il y a un LP LP et il y a un album qui arrive qui est prêt. C'est pas encore sorti. Eh ben, faudra revenir nous voir, d'accord. Well, you're gonna come back and see us when the album's out, right? Absolutely. I mean, absolutely. I have a song called Sebastian on it, so it's. Et il y a une chanson qui s'appelle Sébastien dans l'album, bien sûr. Ah, j'y croyais, moi. Tu sais quoi? Donc, si on dit LP, je vais l'appeler L. Tu sais quoi, L? You know what, L? Je serai le seul à t'appeler Laura. He'll be the only one who calls you Laura. En fait, elle aime mieux elle que Laura. Elle, ouais. Oui, je sais. Al. Mais je m'en fous. No, but he still wants to call you Laura. He doesn't care if you don't like because it. Y a, parce qu'il n'y aura que moi. Because he'll be the only one calling you Laura in France. So hot. Quand tu recevras un petit SMS, tu feras Hey. Oh, tu feras c'est Coco, c'est Sébastien. Yeah, when you get a text saying Laura, you'll know it's him. That's right. There you go. Dis qu'elle peut l'appeler Coco. Yeah, you can call him Coco. That's his nickname. Coco? Yeah. Okay. I like that. Coco. That's nice. Il se passe un truc, hein. Something's happening. Yeah. Yeah. There's a spark. Ouais, il y a un truc, ouais. Il y a une étincelle, là. She's in love with the Coco. On se fait le titre en live. Are you ready to do the live? Absolutely. Allez, let's ça m'a fait it. Très plaisir de la rencontrer en tout cas. We're cette very happy to meet you. Okay, cool. Thank you so vraiment. Much. Par contre, c'est la veste de Kinvey. Faudra qu'on en fasse. Yes, but you. This jacket belongs to another artist who's a friend of his. You're gonna have to give it back to him. Et ce tatouage que je vois sur certaines photos, il est vrai alors? C'est un tatouage sur le torse? So the tattoo he saw on the pictures is actually real. Oh, that's real, yeah. Absolutely. Ah, j'ai cru que c'était un effet de style sur les photos et tout. No, c'est un vrai tatouage sur le torse. Non, c'est un vrai. You can't have a fake ship on your chest. I mean, ouais, tu peux pas te faire tatouer un faux tatouage d'un bateau sur ta poitrine. Ça, ça doit faire super mal. Hey, sur les côtes. Sur la poitrine. That must hurt, no? It was so painful. Ouais, très douloureux. Ah non, mais là, c'est pour ça qu'on fait les tatouages. I didn't even think about how painful it was going to be. I remember we put it on there, like you put the stencil on, and then she started. I was like, oh my god. Ouais, en fait, elle a pas pensé à la douleur. Elle a mis le calque, et quand elle a commencé le tatouage, elle s'est dit, oh mon dieu. Ah oui. Ah ouais. Ça three hours. Et ça représente et un bateau. Et ça a duré 3 heures. Ah, si elle fait qu'une voile, ça fait con. Fallait ouais, finir. Ça, ah bah faire un zodiac à la limite, ça va plus vite. Une barre. C'est magnifique. Faudra laisser une petite place pour marquer. For Sebastian with love. Is there a room that says you can tattoo for Sebastian? I was actually going to say yes, there's extra room, so I will work. Bah, elle allait te le dire qu'il restait de la place. Bah, c'est bien ce que je pensais. Prochaine fois que tu viens, on se le fait. On se fait next petit time, tatouage. we're getting tattoos. Allez, on se fait le titre en live. Let's Comment do it. Comment s'appelle ce jeune homme qui est en place? What's your name? JD. JD. Pas de micro, JD, il chante de... Oui, on n'a pas le droit aux lettres entre les deux, c'est LP, JD, on loue des Airbnb, on est comme ça. Quoi. Que des initiales. Que des initiales. C'est les trucs complets où on ne fait pas. Bon, ben voilà, écoutez, vous l'avez entendu donc tout l'été, vous allez l'entendre en live, elle va prendre sa guitare. Ouais. Et vous allez, le public, je compte sur vous. Hein. J'espère que vous C'est une toute petite guitare. C'est une mini-guitare. En même temps, on ne va pas faire une contrebasse non plus. Non, il dit, c'est cute parce que c'est tiny. Elle dit, il va se foutre de ma guitare maintenant. Non. Oui, bah, c'est pas une personne à taille normale en même temps. Donc, elle a une petite guitare. Oui, bah, c'est bien. Bah, c'est ce que je dis. Like it, we like it. Ouais, moi, j'aime bien. Pour Julie, c'est une contrebasse. C'est lui qui rigolait. C'est lui. Faites beaucoup de bruit, le public. Ce titre-là, vous l'entendez. L'album, donc le LP, pardon, est sorti le 1er juillet, si vous êtes fan. Et elle est là avec nous en live. Je vous demande de faire beaucoup de bruit pour LP. Tell me, are they lost on you? vu ce soir et c'était chez nous. Thank you. Thank you so much, Sebastian. I love you. Au revoir. Oh. Oh. Oui. Au revoir, Laura. Bye. Restez avec nous pour la suite. On revient dans un instant sur Énergie. À tout de suite. Envoyez vos SMS à Koé au 6112. Thank you. Code Koé au début du message. Le samedi, 10h midi, c'est le Hit Énergie, le classement de vos 30 hits les plus joués cette semaine sur Énergie. Vos 30 hits préférés avec Jerem et Khalid. Le Hit Énergie. Numéro 1 le week-end dernier. Qui sera numéro 1 cette semaine? Numéro 1. Hit Énergie. Rendez-vous samedi, 10h midi sur Énergie. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. Monsieur, c'est la place de Koé. Ah, mais c'est toi, Coco. Pardon. Non, mais t'as tellement maigri et bronzé que je t'avais pris pour Vincent Cerutti. Koé, 19h-22h, sur Énergie. On est là. Souvenez-vous, Laurie s'est allé demander à des étudiants, des lycéens dans la rue, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que tu kifferais qu'on t'offre pour cette rentrée? J'aimerais ne pas avoir cours. Une boîte de Scrabble. L'alcool, beaucoup d'alcool. Un forfait internet. L'iPhone 7. Je kifferais trop un MacBook Pro. Qu'on paye le permis de conduire. Et une petite copine. Bon, en gros, je vais pouvoir vous offrir, c'est l'événement à partir de la semaine prochaine, grâce à la Société Générale qui lance des box all inclusive. C'est ça. Je vais vous offrir des box. à l'intérieur certainement tout ce que vous rêvez. On a des iPads, on a des permis de conduire, on a des moyens de locomotion, on a des trucs de ouf. C'est vous qui allez la composer vous-même, cette box, en fonction de vos besoins. C'est énorme. Mais ça veut dire que quoi ? Il nous envoie une inscription, oui, et il dit je veux ou j'aimerais ça, ça, ça, ça, non, ça. Les inscriptions, elles sont sur boxallinclusive.societegenerale.com. Ouais. Et à partir de là, tu il remplis clique. Tous tes trucs et tu fais ta box. Ah, comme le Père Noël, voilà. Tu fais ta commande. Exactement. Ah ouais, c'est ça. Après, en fait. T'as plusieurs thèmes aussi. Tu peux choisir plus voyage, bon, machin, etc. Et la semaine prochaine, je vous appelle, je prendrai des gens au hasard qui se sont inscrits et ça tombera naturellement et vous gagnerez ce que vous avez commandé. C'est bon, non ? Ah oui, voilà. C'est bon. Inscrivez-vous. Box All Inclusive, B-O-X All Inclusive, vous avez qu'à savoir parler anglais, .societegenerale.com. Vous vous inscrivez. Donc soyez réaliste aussi. Si tu demandes une Ferrari, c'est non, pas dit que. Non, mais y a pas. Non, y a non, mais tu choisis sur le site. D'accord. Ah, ça va être une tuerie. Mais on ne peut pas partir sans dire que déjà demain, ne pas rater avec nous, il y aura qui, Julie, demain ? Ah, demain. Zao. C'est Zao. Ouais. Mais celle qui nous amuse depuis quelques jours. Qu'est-ce qu'il y a, Loris, encore ? Demain, on fait un truc de ouf pendant l'émission. On va faire 42 km en 3 heures. On se fait un marathon. Ah oui, on n'a pas parlé de ça. Émission marathon. Émission marathon demain. Il n'est pas au courant, mais. Ça ne tienne pas. Demain, opération marathon. Donc le public qui vient va faire le marathon avec nous. 42 km, il va falloir faire. Nous, on se débrouille. On se prenait toutes les 5 minutes. Prenez demain, vos affaires de sport d'ailleurs. Demain, je veux du sportif. Nous même aussi. Le public. Ah ouais, nous aussi. Ah oui. Oh merde. Toi qui fais du sport, maintenant t'as tes affaires. Tu vois. Bah attends, t'es en plein dedans en ce moment là. Oui. Donc demain tu vas pas à la salle, tu cours ici. Tous les matins. Je fais 14 km/h, je crois. Françoise, salut. Comment ça va, Françoise? Françoise, après cette prestation magnifique de je suis ventriloque avec une chaussette, nous a renvoyé un mail en disant j'ai deux autres marionnettes. Oui, ouais, ça c'est Bolos. Alors attends, comment il s'appelle déjà la boule rouge? Bolos. Bolos. Le chien? Loup. C'est un lapin, c'est un chien? C'est trop mignon. C'est un chien. C'est loup. Et alors, comment tu fais? Tu les fais parler? Je vais faire un petit peu parler comme ça. Lui, il est tout timide. Françoise. Salut. Tu parlais toi ou c'était lui qui parlait? Non. C'était bien. Excuse. Donc ça c'est loup. Il est tout timide. Vas-y, fais-moi parler loup. Voilà. Il tremble. Là, aussi. Là, il est tout timide. Oh, putain, mais il parle vraiment. Il est tout timide. Françoise, tout timide, non. Tes lèvres bougent. Mais... Elle est mignonne. Mais attends, on va essayer avec l'autre. Et Bolos, comment il fait? Bolos, comment il fait? Lui, le sait. Ah non, mais là, Françoise, c'est pas possible. Arrête, ta bouche elle bouge plus que les marionnettes. Arrête. Salut, je suis ventriloque. Non, du jeu, François, c'est que la bouche elle bouge plus. Non, c'est là, c'est Bolos, donc c'est Renan le. Par contre, tu lui fais ouvrir la bouche même quand il parle plus, ce qui est quand même bizarre. Il faut que François. Mais elle fait toujours François, le mouvement de la bouche. Il faut que tu apprennes à le faire parler. Bah oui, je sais. Alors vas-y, fais une conversation. Un sketch. T'as bien un sketch. Entre les deux, t'as deux marionnettes, t'as bien des trucs à dire. C'est sympa, la marionnette à la radio. Salut, Dolos. Salut, Dolos. Non, c'est pas le bon moment. Ça va, ça fait quand t'écoutes. Ah oui, je t'ai à dire, je suis super contente d'être sur Énergie à Coé. Toi aussi? Oui, moi aussi, mais j'ai tout timide, moi. Ah, surtout avec Dini, dis donc. Hey, ils sont cool là-dedans. Hein. T'élèves, François, t'élèves. Ils sont cool là-dedans. Hein. Et quand tu fixes que sur la marionnette, François, ça fait. François, faut que tu fermes un peu la bouche. Ferme un peu la bouche. Non, mais continue, ferme un peu la bouche. Il y a du texte. Moi, j'y reconnais tant, moi. Bah, bon, on va faire ouvre un peu la bouche. C'est là alors. Ah oui, ça, c'est sûr que tu les connais tant. Hein. J'ai l'impression de voir un film d'horreur avec un enfant possédé, tu sais. C'est flippant. Et la chute, Françoise, est-ce que t'as une blague avec tes marionnettes? T'avais un petit texte. Ben, donc normalement, on devait chanter. Ah bah vas-y, chantez. Avec mon mari et la guitare. Mais bon, là. Ton mari et la guitare, chante sans guitare, on y va, chante sans guitare. Alors, on va faire. Françoise, ta bouche, Françoise. C'est trop mignon. Vous venez d'arriver sur Énergie. C'est une séance de. C'est fini. J'adore cette chanson, bravo. Tout ça est réalisé intégralement sans aucune drogue. Merci, rendez-vous demain. Merci, Jean-Pierre. Salut, Guillaume. Bonne soirée à toi. Et nous, on revient demain. Ciao, je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. On revient demain dès 19h sur Énergie.